излишне. Attention, les retransmissions sont maintenant contrôlées par la secte du jeu vidéo. Un jeu vidéo n'a pas le droit à l'erreur. S'il veut survivre, il se doit d'être excellent, d'avoir une durée de vie de ouf, en même temps qu'une réalisation sans faille. Non, être un bon jeu aujourd'hui ne suffit plus à satisfaire des gamers qui ne visent que le chef-d'œuvre. Bien souvent d'ailleurs, la communauté des joueurs sait se montrer cruelle envers ces séries B vidéoludiques qui pourtant, à l'image de ces petits films de genre, souvent ignorés par le grand public, ont beaucoup de belles choses à nous proposer malgré des défauts évidents et surtout des budgets très éloignés des AAA. Aujourd'hui, nous, les gentlemen du jeu vidéo, avons décidé de rendre hommage à ces jeux ignorés, mis de côté avant d'être balancés à 1€ dans un bac à soldes, et nous irons même jusqu'à défendre l'indéfendable en vous parlant de nos plaisirs coupables les plus Z. Camarade gamer, le jeu vidéo, c'est parti. Ta-ta-ta. Father! Are you confusing me with someone else? Finish him! Yeah! Let's rock. Bonjour les amis et bienvenue dans ce premier podcast du jeu vidéo, le podcast jeu vidéo du site parce qu'on est des geeks.com en collaboration avec Xboxygène. Alors première chose, je vais commencer à te cirer les pompes à toi auditeur car tu as osé appuyer sur le bouton play. Rien que pour ça, respect éternel mec, ou toi aussi jeune fille qui est tranquillement en train de prendre le bus et de nous écouter. Si vous aimez le jeu vidéo, on espère que vous allez passer un excellent moment en notre compagnie. On est là pour environ 2 heures, moi c'est Creepers, et donc je vais animer ce podcast. Donc il y aura un dossier, il y aura une partie un petit peu plus libre, on va parler de nos coups de cœur, de jeux, de critiques, de films, etc. Enfin bref, tout ce qui nous passe par la tête, mais je ne suis pas seul bien sûr pour animer tout ça, et je suis en compagnie de Rhône. Salut camarade, j'espère que tu es aussi content que moi d'être présent aujourd'hui. Salut mon ami, mais oui, je suis très très content d'être là. C'est la rentrée, c'est une nouvelle aventure qui démarre. On oublie la fin de saison dernière. On va redémarrer là sur des bonnes bases. On a plein de choses à dire. On a envie de parler. On avait envie de parler. Voilà, exactement. Ça va être très très cool. Alors tu n'es pas seul avec moi, Rhône, on n'est pas tout seul dans cette chambre sombre, puisque nous sommes aussi avec un troisième camarade qui avait participé à nos anciennes émissions, pour ceux qui nous découvrent pas aujourd'hui, qui nous avaient suivi un petit peu avant. Donc Matt, bonjour. Matt, comment ça va ? Bonjour, bonsoir à toi auditeur, merci de m'accueillir. Mais écoute, c'est avec plaisir. Matt, donc tu vois, tu es un peu le comique, hein. Tu traînes un boulet derrière toi. Oula. Hein, qui s'appelle Tout ça pour ça. Voilà, une émission de stand-up incroyable, 2 minutes d'humour absolument formidable. Ah, je sais vendre, il va falloir assumer quand les gens iront cliquer, mon gars. C'est beau. Donc tu es un peu aussi le PCiste du groupe, parce que nous on est principalement des joueurs console. Donc est-ce que tu es un peu stressé par ce lancement de saison ? Parce que c'est le début, là, les mecs. Effectivement, la responsabilité de diffuser la bonne parole est lourde sur mes épaules. Mais écoute, on va faire le boulot tranquillement et on va partager les bonnes ondes avec les auditeurs. Alors, on ne pouvait pas faire ça qu'à trois. Et donc, ce soir, nous avons un peu une nouvelle tête. Il avait fait un petit peu de podcast à une époque en parlant un petit peu de musique de jeux vidéo. Et donc, nous sommes en compagnie de Jarrell. Salut, Jarrell. Et bonsoir, enfin bonsoir ou bonjour, ça dépend du moment de l'écoute d'un certain côté. Bonsoir à tout le monde, donc vu que nous c'est plutôt tard. Ouais. Et voilà. Et bisous aux garçons et bisous aux filles. Hein, vu que le créneau n'a pas été pris, je m'y engouffre. Oh, le mec, directement. Il veut emballer, quoi. Mais tu crois, ouais, non, tu penses qu'on va avoir des millions d'auditeurs, c'est clair, on va cartonner. Le mec, il est humble, tu vois. Déjà, je suis super humble avec ce lancement de podcast. Oui. mais le mec, il veut choper, quoi. Il veut choper n'importe quoi. Je me dis que de toute façon, il en suffit d'un ou d'une, un petit peu désœuvré. On sait jamais, hein. Sur un malentendu, vas-y, t'as tes chances. D'accord, donc faut pas partir défaitiste. Et Jarel va essayer de choper lui de temps en temps, il va lancer une petite alerte, il lancera son numéro. On voit Jarel au 4727 et donc il faudra avoir un vieux qui aime les jeux vidéo, ouais, qui manie le joystick depuis des années, ne t'inquiète pas. Si toi aussi tu aimes le biche volé et les maracas. Magnifique, vous verrez donc la référence, vous la comprendrez un petit peu plus tard, voilà, teasing pour la suite de l'émission. Bah écoutez, l'ambiance a l'air plutôt cool, je trouve qu'on est plutôt bien, et on va commencer directement avec notre premier niveau, le dossier. Le jeu vidéo. Le dossier. Mais avant de lancer le dossier, de discuter tous ensemble des séries B que nous préférons dans le jeu vidéo, nous avons une petite rubrique qui normalement met en colère un peu tout l'internet puisque Rhône va se mettre à dos un peu tout le monde. C'est la zone grognon. Vas-y Rhône, je te laisse parler, je te laisse présenter le dossier. Voici l'instant grognon. Moi, j'aime pas. Il paraît qu'il y a des jeux honteux, des jeux qui ne sont pas considérés, de deuxième zone, qui ne sont pas gamers, ou bien qu'on considère juste comme nuls. Mais qui peut juger ? Hein ? Qui se permet de dire ce qui est bien ou pas ? Hein ? Qui a le droit ? Qui a le droit ? Qui a le droit de faire ça ? Non. Du coup, à cause de ces préjugés, on n'ose même plus assumer ses goûts de chiottes. Oh putain. Restez, s'il vous plaît. Je viens de vomir des oreilles. Moi, quand j'étais jeune, c'était mes revues porno que je planquais sous le matelas. Aujourd'hui, sous les matelas des joueurs, on trouve le CD de Soldier of Fortune, le Blu-ray de Heavy Rain et celui de Scream Ride. Il y a des pères de famille qui font promettre à leurs enfants de ne jamais dire à personne qu'ils jouent ensemble à Kinect Sport. Ils se sont même créé un compte exprès afin qu'on ne sache pas qu'ils sont débloqués des succès dans le jeu. Et si on passe ces soirées sur God Simulator avec nos amis les chèvres, qu'est-ce que ça peut faire ? Il y a des gens très bien qui aiment les chèvres. C'est trop facile de s'en prendre à un joueur sans défense. Comme par hasard, personne n'emmerde les légionnaires qui partagent le même amour pour les bovidés. Où ça glisse ? Attention, on glisse déjà. Les chantres du bon goût seraient-ils des lâches ? Parce que l'intelligentsia du monde vidéoludique décrète qu'un jeu est valable ou honteux, on devrait se plier à cette directive. Non, non. Devrait-on catégoriser les gens qui jouent à ces jeux, comme on fait des catégories entre le Saint-Émilion et la Villageoise, entre la Jeanlin et la Valstar, entre la Rolls et la Lada? Eh bien, je dis non, chers auditeurs. Non. Ne nous laissons pas embarquer dans cette pensée unique insultante. Ne refoulons pas nos pulsions pour les jeux délaissés. Si les femmes faisaient pareil, je serais resté célibataire toute ma vie. Ça, c'est vrai. Je vais vous faire un aveu. Je suis particulièrement chatouilleux sur ce sujet à cause d'une expérience douloureuse que j'ai vécue il y a quelques années. J'étais tranquillement en train de jouer chez moi, seul, ma femme étant à une soirée fille. Très logiquement, dans ces cas-là, les réflexes de célibataire reprennent le dessus. Je mangeais donc des chips et des pistaches, en alternant entre bière et coca, le tout devant la console. Le son était très fort. Ce qui fait que je n'ai pas entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Dos à la porte, je ne me suis donc pas retourné. Je continue à jouer, tranquillement, absorbé par mon jeu. Puis d'un seul coup, j'ai fait un bond de 3 mètres quand tous mes amis ont hurlé un « Surprise !» Eh oui. Afin que je ne m'y attende pas, ils avaient organisé une fête surprise pour mon anniversaire une semaine avant la date. Tout le monde était mort de rire face à ma réaction, quand soudain, un de mes plus anciens amis s'est écrié « Hey les mecs, regardez à quoi joue le grognon !» Un silence gêné s'est répandu comme une traînée de poudre dans le salon, ce qui fait qu'on n'a plus entendu que deux choses, les battements de mon cœur et la musique de Final Fantasy X. Il y en a qui vont être contents. J'ai essayé de me défendre. Non, non, c'est pas ce que vous croyez. J'essaye juste comme ça, vite fait, pour voir de quoi ça parle. Un fou rire général a recouvert toutes mes excuses, me poussant à me recroqueviller sur le canapé. Et ce n'est pas tout. S'approchant, un autre ami a découvert qu'il y avait également sur la table basse du salon Metal Gear Solid Ground Zero. Oh, l'enfoiré. Je crois que c'est là que je me suis évanoui. Depuis, j'ai divorcé, j'ai déménagé, j'ai fait de la chirurgie esthétique et mon but dans la vie est d'éliminer les témoins de cette scène. Il m'en reste encore deux à trouver. Mais j'y pense. Je viens de vous raconter toute la scène. Désolé, chers auditeurs, j'aurais pas dû. Bon, comme c'est un peu de ma faute, je vous laisse quelques jours d'avance avant de commencer ma traque pour éliminer tous ceux qui connaissent cette histoire. Un dernier conseil si vous voulez vivre. À partir de maintenant, méfiez-vous des grognons. Alors que Ron vient de libérer sa conscience, maintenant qu'il vient de dire à tout le monde des secrets complètement inavouables... Ça va mieux. Ça va mieux. Je sens qu'un poids est retombé complètement. Et ça va mieux. Voilà. Maintenant que le grognon est parti, on va pouvoir commencer à parler de notre sujet, donc la série B dans le jeu vidéo. Mais avant ça, on va essayer de délimiter un petit peu ce qui, pour nous, est une série B. Jarel, si je te demande à toi, dans le jeu vidéo, qu'est-ce que tu mets dans la catégorie série B, par exemple ? Dans le série B, en fait, c'est bizarre parce que je placerais la série B entre finalement le triple A et le jeu indé, entre le blockbuster et le petit jeu fait avec 3 francs 6 sous. Donc c'est difficile, c'est vraiment difficile à déterminer en fait ces jeux vidéo un petit peu mal aimés, un petit peu, on va dire, se situant entre 60 et 70 sur Metacritic, des trucs qui sont rapidement testé et rapidement oublié et finalement qui quelquefois n'ont pas l'exposition nécessaire auprès du grand public. Alors si je prends par exemple un jeu comme Turok, le Turok qui est ressorti sur Xbox, alors moi qui est un jeu que j'aime bien, je me suis bien amusé sur Turok par exemple, c'est un jeu qui était largement mis de côté par beaucoup de monde, qui a été un petit peu conspué comme étant un peu du FPS bas du front, ce qui est un peu vrai, mais on peut prendre du plaisir sur ce type de jeu. Tu le situerais dans la série B ou dans le triple A un peu foiré par exemple? C'était quand même une licence qui revenait de loin. Je le situerai dans la série B. C'est vrai que d'un certain côté, quand tu prends des licences comme ça, un petit peu sorties, que tu essaies de les rebooter, de les remettre un petit peu au goût du jour, quelquefois, finalement, t'es loin d'un véritable effort de triple A, mais t'arrives pile poil dans le cœur cible des séries B. Je pense aussi à un jeu à Capcom qui avait essayé de ressortir le Bionic Commando en 3D, qui pour moi serait l'exemple type de la bonne série B, parce que c'est un jeu sympa à jouer, assez correctement fait, mais tu t'en retiens pas grand chose après, une fois que tu l'as fini, mais t'as passé un bon moment. Ouais, c'est un peu exactement le type de la série. Moi, j'ai passé un bon moment sur Bionic Commando, et exactement, c'est vrai que c'est un peu ce type de jeu là qui pourrait rentrer pour moi dans la catégorie des séries B. Okay. Pour toi, Rhône, quand je te parle de série B, ça t'évoque quoi par exemple? Qu'est-ce que tu mettrais toi dans la catégorie là? Non, moi je ferais plutôt un parallèle avec le cinéma, enfin c'est un terme qui vient du cinéma, hein, de toute façon, la série absolument B. Et je pense plutôt à l'aspect budgétaire du jeu. J'ai l'impression qu'en jeu vidéo, il y a deux catégories. Il y a le triple A, où il y en a quelques-uns dans l'année, et il y a l'ensemble du reste, où c'est de la série B. Il y a moins de moyens mis dessus, ça sent moins le pognon. Je parle pas d'une question de qualité ici, ni d'intention dans les jeux, parce qu'après tout, Resident Evil, ça pue le B, même si ça a du budget, quoi. Dans ses intentions, ça pisse pas loin. Mais voilà, je mets ça plus sur le niveau du budget qui est accordé au jeu, et plus particulièrement au budget d'exposition accordé au jeu. Marketing, ouais. Ces choses-là. Ouais. Ouais, je mets pas ça en relation avec la qualité intrinsèque du jeu. Ça, je pense que ce sont deux choses complètement différentes finalement. Donc par exemple, si je prends le cas de The Order, est-ce qu'on est dans une série B camouflée? Alors The Order, je dirais plutôt on est dans un triple A bien loupé. Mais Mais ça schlingue le triple A, il y a du pognon là-dedans. Ils ont pris vachement de soin à faire des bons graphismes, mais en fait ça délivre beaucoup moins qu'une série B. Si je continue avec le parallèle avec le cinéma, bah, on le sait très bien, hein, les 4 Fantastiques c'est censé être un triple A quand même à l'origine, et c'est une daube. Et il y a des films avec des budgets bien moindres qui délivrent beaucoup plus que ça. Je D'accord. pense qu'en jeu vidéo c'est pareil, quoi. Et toi Matt, série B, ça représente quoi pour toi? La série B, t'as vraiment des jeux qui puent la série B, je sais pas, là tu dois te rappeler, toi-même, tu as fait une vidéo là-dessus, Rambo, The Video Game. Là on est dans le Z absolu. C'est là. Du Z là même. Ouais. Ah ouais, non mais là, pour moi on est clairement plus dans le Z, alors là c'est le cas Rambo est intéressant parce qu'on est déjà dans une licence qui est quand même assez, alors, à mes yeux, attention, prestigieuse. On est sur un jeu en plus qui aurait pu donner lieu à un jeu d'action assez sympathique. Et le problème, c'est que ça pue la licence trop payée peut-être et il y avait plus de budget pour faire un jeu. Quoi, parce que on a bouffé des tonnes de pubs sur ce truc. Il y avait de la pub sur Rambo, sérieusement. Non, je crois pas. Hein. Ah si, moi je m'en rappelle. Les jeux à licence, de toute façon, c'est presque une catégorie à part dans le sens où effectivement, ils misent essentiellement sur le nom de la licence et sortent des jeux à très faible budget, des merdes sans nom. Moi, j'ai eu à tester pour Xbox Oxygen Schtroumpf 2, qui est un truc. Mais, c'est génial! Quel honneur! Si tu veux, oui. J'ai enterré l'édition dans le jardin quelque part par là en égorgeant un poulet dessus pour éviter qu'il ressorte de lui-même. Mais sinon, j'aurais pu te l'envoyer. Mais en fait, ils misent essentiellement sur le nom. Ils font énormément de merchandising dessus. De toute façon, ça se vendra parce qu'il y a eu le film, il y a eu le dessin animé juste avant qui est sorti, etc. Et donc les grands-mères vont se jeter dessus pour faire plaisir à leurs petits-enfants. On va dire qu'il y a un budget communication qui est plus important que le budget du jeu. Alors j'ai presque honte, mais j'ai bien aimé les Schtroumpfs 1. le film, hein, moi j'ai passé un moment plutôt agréable devant les Schtroumpfs 1. Bah, t'as raison, le sujet c'est un peu les plaisirs honteux, donc tu peux y aller. Voilà, donc je peux. Oui, t'as raison, mais je vais le dire. Les Schtroumpfs 1. Alors on a coupé la parole à Matt qui m'avait rappelé que j'avais fait une vidéo sur Rambo. D'ailleurs, c'était ma dernière vidéo du site Parce qu'on est des geeks. J'en parlerai un petit peu plus loin d'ailleurs de ce site fabuleux. Donc Matt, continue sur la série. Effectivement, là je me trompe, c'est vrai qu'on est plutôt dans le Z. Ouais, dans le Z, ouais. Après, je suis effectivement assez d'accord avec Ron. T'as une plâtrée. Une grosse lignée de jeux qui vont être triple A. Effectivement, dès que tu vas être un cran en dessous, malheureusement, tu vas tomber peut-être dans les jeux qui vont passer inaperçus ou qui auront le soupçon de qualité qui manque pour passer en triple A et être vraiment reconnu par tout le monde, unanimement, quoi. Et comme avoir le buzz nécessaire. Comme disait Jarel, d'ailleurs, au niveau des, il a raison sur les adaptations de jeux vidéo. Ce qui est étonnant, c'est que souvent, donc on a, je vais prendre le cas des jeux Marvel. Un jeu comme Captain America, moi j'ai passé un agréable moment dessus, donc je vais continuer à enchaîner les plaisirs coupables déjà. Ouais, je vais continuer à assumer un peu mes saloperies. par exemple, voilà, Captain America, c'est une copie, c'est un beat'em all qui reprend un peu la formule de tout ce qui est God of War, même Batman avec les combats un petit peu dans tous les sens. Et ce qui est toujours étonnant dans ce type de jeu, c'est qu'on est sur un film qui coûte des millions et des millions de dollars, qui rapporte des millions et des millions de dollars. Et bizarrement, le jeu fait de la peine. Entre guillemets, par rapport au film, ce qui est quand même étonnant parce qu'au niveau qualité, tu étais un petit peu censé représenter un produit quand même d'excellence, parce que Marvel tend à toucher un peu le maximum de monde, mais c'est quand même bizarre que ce type de jeu ne prenne pas de risques, ça ne m'étonne pas du tout, mais qu'on soit vraiment sur des budgets ridicules, ça vous étonne pas vous, Ron, toi par exemple, sur un jeu comme tout ce qui est Marvel, que ça soit un petit peu faisandé? Alors c'est terrible parce que là, on prend un peu d'avance, hein, mais moi aussi j'aime bien ce genre de jeu, j'arrive à m'y amuser même quand c'est un peu nul, je dois dire. Mais ça me surprend, oui et non. Jarel l'avait un petit peu résumé. Il y a une certaine assurance de vendre indépendamment du niveau de qualité. Et dans la répartition du budget accordé au jeu, bah, autant le mettre sur le marketing. C'est un peu un piège à con, mais j'ai envie de dire, c'est historique. C'était même déjà comme ça à l'époque de l'arcade. Hein, donc, oui, là, pour le coup, on a rien inventé. Ce qui est un petit peu triste, c'est que ça n'ait pas changé. À la limite, les anomalies, c'est quand t'as un truc qui sort, qui fait typiquement partie de la série B d'adaptation et qui, oh, surprise incroyable, est bien. X-Men, Wolverine. Ouais, oui, par exemple. Très, très bien. Non, mais il y en a. Ouais. Il y en a pas mal, il y a un petit Beat'em All qui était sorti, il me semble, sur Xbox One aussi. Non, j'en parlais plus tard. D'accord, d'accord. Bon, mais en tout cas, l'exemple typique de ces jeux-là, quand même, c'est le E.T. sur la, le E.T. d'Atari, hein. Mmh. Oui, c'est vrai. Avec la réputation, il y a eu d'ailleurs un reportage plutôt sympathique sur Netflix qui a été tourné. Et on n'est pas sorti de ça. Déjà aussi que ils font des adaptations sur des films qui ne connaissent absolument pas la teneur. Déjà, voire même l'histoire, mais quelquefois ils arrivent quand même à sortir des je pense au King Kong d'Ubisoft qui était très sympa. Exact. Peut-être on en parlera un petit peu plus tard, mais le Tintin d'Ubisoft aussi. Il semblerait qu'on en parle plus tard, oui. Et très sympa, mais il y a Mad Max aussi en ce moment. Ouais. Visiblement. Exactement, il y a eu du budget. Il y a pas mal de monde. Mais j'ai l'impression en fait que Mad Max, peut-être que je me trompe, hein, était prévu déjà avant que le film soit vraiment d'actualité. Ouais, d'ailleurs, tu le ressens dans les dernières bandes annonces qu'ils ont rajouté un peu les Warboy et les feux d'artifice lumineux. Avant, dans les premières bandes annonces, t'avais pas du tout ça. Donc, il semblerait qu'ils aient raccroché un petit peu les wagons, effectivement, pour raccrocher au film. Oui. Mais c'est vrai que pareil, le jeu m'intéresse énormément. Et il me semblerait que dans le Mad Max, ils ont justement après modifié peut-être pas mal d'éléments du jeu pour essayer de se raccrocher à l'univers du film. Exact, ouais. Donc à l'univers visuel, soit dit en passant. Mais il y a quelquefois des adaptations de films, des jeux licences qui sont de très bonnes surprises et qui sont effectivement des séries B tout à fait recommandables. Et c'est vrai que le seul qui, pour moi, ressort en jeu à licence, parce que pour moi, globalement, à dire 95% des jeux à licence, soit on est dans le Z, soit on est vraiment dans le B absolu. Le seul qui vraiment garde, bon, t'avais dit King Kong, qui était assez supporté par Ubisoft. D'ailleurs, c'était un jeu qui avait fait pas mal parler de lui parce qu'il était carrément fait avec Peter Jackson, etc., puis Michel Ancel. Mais c'est GoldenEye. C'est un des rares jeux qui vraiment reste en mémoire par rapport aux licences. Mais c'est vrai que la série B, en jeu vidéo, c'est vrai que ça représente un petit peu les jeux à licence, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres types de jeux? Généralement, il y a beaucoup de copies. Moi, je pense aussi à Dante Inferno, par exemple, qui est un jeu qui a pas fait, enfin, qui a fait un petit peu parler de lui. Mais bizarrement, les gens le comparent tellement avec God of War, je trouve un petit peu dommage de le laisser de côté. Il est considéré comme une série B, d'ailleurs, lui aussi. C'est parce que là, c'est un bon exemple, hein. On est dans du jeu de niche. Ouais. Dante Inferno, c'est un jeu qui est très bien fait. Personnellement, je le préfère à God of War, parce qu'au moins, il y a un peu d'originalité dedans. Ouais, puis l'univers est carrément chouette. Enfin, on sent qu'il y a un gros travail sur les décors, enfin sur l'ambiance. Et c'est un jeu qui n'avait pas marché du tout à l'époque. Un peu, c'est à l'époque de Mirror's Edge et Dead Space, si je me trompe pas, chez Electronic Arts. Donc c'est des jeux qui étaient un petit peu passés inaperçus. Mais est-ce que pour vous, c'est ce type de jeu qui normalement aurait dû être un triple A, on peut l'inclure dans la série B juste parce qu'il a pas marché, ou on est dans un triple A quand même? Non, effectivement, pour moi, t'es sur du B, parce que c'est typiquement le style de jeu qui, au lieu de pouvoir être noté 9, ne va pas plaire à vraiment tout le monde. Donc, tu vas passer une note à 7 ou à 8, et effectivement, du coup, il va passer complètement sous les radars, il va pas pouvoir être conseillé par les prescripteurs à tout le monde, puisqu'effectivement, il plaira pas à tout le monde, mais pour tous ceux qui sont vraiment passionnés du genre et qui apprécient l'univers, qui sont un minimum ouverts par rapport à ça, ça va être une tuerie, et les gens vont le considérer comme un triple A, sauf que de fait, effectivement, il sera passé sous les radars et ce sera un B. Donc pour vous, série B, on est plus dans le jeu de niche. Alors si on devait un petit peu résumer avant de passer à la suite. En tout cas, je dirais pas, pour reprendre un peu ce que dit Matt, pas universel. D'accord, comme un Assassin's Creed, oui, ou un Call of Duty. Oui, exactement. Où là, ça recouvre tout. Même un GTA, hein, même si c'est interdit au moins de 18 ans, à partir du moment où c'est en plus du niveau de réalisation dans le hype du moment, on est dans le triple A. Et y a des jeux à budget qui ratent cet effet de mode, cet effet de hype, et même avec leur budget, ils tombent dans le B. Hein. Et c'est un peu le cas d'un jeu comme Dante Inferno, qui n'a quand même pas coûté que 2 ronds à faire. Hein. Ça se voit à l'écran, c'est pas dégueu, quoi. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on a fait un petit peu le rapprochement, et c'est normal par rapport aux séries B cinématographiques. Il y a une différence fondamentale pour moi au niveau de la distribution. On l'a dit, des jeux comme Dante Inferno ou Mirror's Edge, c'est des jeux qui sont un petit peu plantés à l'époque de leur sortie, mais qui n'ont malheureusement pas eu vraiment une deuxième chance. Dans le jeu vidéo, il y a rarement une deuxième chance. Est-ce qu'on peut vraiment l'expliquer uniquement par le circuit de distribution, d'après vous, ou est-ce qu'il y a quand même, au niveau du bouche-à-oreille maintenant, avec l'internet ou des choses comme ça, il y a possibilité que maintenant, des séries B comme ces jeux-là puissent avoir une deuxième vie? Ou est-ce que c'est vraiment pas possible du tout, Jarel? Si on refait le parallèle avec le cinéma, d'un certain côté, c'est vrai que le cinéma a pour lui cette deuxième chance avec la DVD, Blu-ray, VOD, que le jeu vidéo n'a pas vraiment, d'un certain côté, car, enfin, du moins, il a avec le marché d'occasion, mais c'est un marché d'occasion qui n'est pas palpable. On ne sait pas finalement quantifier si un jeu a bien marché dans l'occasion ou pas, parce que c'est ça échappe totalement à tout organisme de mesure. Donc on reste vraiment dans le flou sur un jeu qui connaît une seconde vie grâce au marché de l'occasion. Même si il y en a certains quelquefois qui arrivent à passer outre le mauvais accueil ou l'accueil un petit peu mitigé, voire très moyen de la critique, pour atterrir dans une sorte de statut, alors je vais dire culte, mais ça extrapole pas mal ce que j'ai vraiment dans la tête, mais comme les Deadly Premonition par exemple, qui était un jeu qui a été très très mal accueilli, hein, parce que il est moche. Qui a été moqué. Voilà, il est très très moche. C'est un jeu PS2 ça, voire même PS1. Game Boy Color arrive à la perte. Oui, ce qui est vrai, c'est quand même très très moche. Il est très très moche. Par contre, il sort tellement de ce à quoi on a l'habitude, il nous propose tellement une expérience à part qu'il en devient foncièrement bon, quoi, foncièrement très attachant, on va dire. Je sais pas si ça lui a vraiment permis d'avoir une seconde vie, mais des personnes qui seraient passées à côté de ce jeu après les tests ont pu lui donner une seconde chance avec les différents avis favorables qu'ils ont eu sur les forums, sur les réseaux sociaux, etc. Parce qu'il est ressorti sur PlayStation 3 après, donc je pense que ça lui a quand même permis d'avoir une hype, et même au niveau du créateur du jeu, il a atteint quand même un certain statut d'auteur qui lui a permis de faire le jeu sur le Kinect d'ailleurs. Ron, qu'est-ce que tu penses donc de ce que je disais sur la distribution justement? Est-ce que le circuit du jeu vidéo est bloqué à ce niveau-là? Je pense pas que ce soit une question de distribution, puisque aujourd'hui, notamment grâce à la DMAT, les jeux sont accessibles pendant très longtemps, voire éternellement, quoi. Je pense plutôt que c'est lié à la culture même des jeux vidéo, qui est une culture de l'immédiateté. Sitôt joué, sitôt oublié, sitôt sorti, sitôt oublié. Tout avance très très vite, c'est comme un rouleau compresseur. D'ailleurs, ça concerne pas que le B, les gros titres aussi sont sujets à ça. Après, là, on en parle sur un podcast de jeux vidéo. Il est probable que les personnes qui ont téléchargé ce podcast et qui sont en train de nous écouter ont une certaine culture vidéoludique. Et quand on a une certaine culture vidéoludique, là, on a de la curiosité d'aller chercher ces jeux-là. Quand on parle avec des gens qui ont un peu de culture vidéoludique, on s'aperçoit que les titres qui restent en mémoire ou qui fonctionnent à travers le temps, c'est loin d'être systématiquement les AAA, mais il y a plein de petites séries B comme ça, dont on parle entre nous, et qui nous plaisent, et dont on connaît les musiques, et qu'on connaît des jeux qu'on connaît très bien. Par contre, l'immense majorité du marché, elle est constituée de personnes pour qui jeux vidéo égale jouer à Call of Duty et à FIFA sur une PS4. Ça se résume à ces trois mots-là. On peut pas demander à ces gens-là de donner une deuxième chance à des jeux. C'est juste que ils s'en foutent. Tout ce qui leur intéresse, c'est les jeux dont ils ont entendu la publicité sur RMC Info, quoi. Mais c'est pas contradictoire quand même que il y ait au niveau du grand public par exemple, donc on parle des jeux justement les AAA qui arrivent à toucher, on va dire, une foule quand même assez grande avec la publicité, etc. Mais que t'aies des films, il y a eu le cas de Projet Blair Witch, on a eu le cas là de Paranormal Activity, il y a vraiment des petits films, il y a eu beaucoup de marketing aussi. Attention, je dis pas que ces films c'est pas non plus un coup de génie marketing, mais on a quand même régulièrement dans le cinéma des films qui sortent de nulle part, des petits films qui n'ont pas coûté grand chose et qui d'un seul coup étonnent et cartonnent au box office et rapportent vraiment des millions de dollars par rapport au budget de base, mais j'ai pas l'impression qu'à part des bouches à oreilles, comme on parlait de Deadly Premonition, où on va avoir des sites qui vont le mettre en avant, où ça va faire bien de parler de certains petits jeux justement, qui vont avoir quelques petites idées, mais j'ai l'impression que par rapport au cinéma, c'est rare d'avoir des, entre guillemets, des jeux cultes qui vont ressortir. Il y a eu le cas de Shenmue, mais c'était des gros jeux qui avaient beaucoup de budget, qui ont pas bien marché, qui ressortent après par la suite, mais je trouve qu'il y a pas vraiment de cas de petits jeux qui d'un seul coup explosent et ils cartonnent au box-office. Il y a eu peut-être Borderlands, si, voilà, qui a eu ce plaisir-là, mais oh, en trouve quelques-uns. On en trouve quelques-uns quand même à travers le temps. Mais attention, hein, les jeux vidéo, ça n'a pas la même ancienneté que le cinéma non plus. Mais le public est le même. Je pense que le public là où il est vraiment dans la culture de l'immédiateté dans le jeu vidéo, je pense que c'est le même public qui va aller voir justement du Paranormal Activity au cinéma. Je suis pas si sûr que ça. Moi, je pense que si le public est le même, la considération qu'on a pour les deux médias n'est pas forcément au même niveau. Donc tu penses que le jeu vidéo encore, d'ailleurs je vais passer à Matt vite fait, parce qu'il parlait de maturité dans la préparation du podcast justement, est-ce que pour toi le jeu vidéo, justement comme disait Rune, manque de maturité à ce niveau-là au niveau des joueurs ? Mais non, mais j'ai l'impression que les joueurs sont quand même de plus en plus écoutés. Alors c'est vrai que par rapport au AAA, le problème principal c'est l'accessibilité, effectivement. Effectivement, tu vas avoir la majeure partie du public non connaisseur qui va regarder juste le top 10 chez Auchan des meilleures ventes ou le top 10 chez Micromania et qui va juste prendre ce qui apparaît dans le top 10 parce qu'ils savent que c'est des valeurs sûres. Mais d'un autre côté, je trouve que les joueurs sont de plus en plus écoutés quand même, globalement, que le bouche à oreille fonctionne, j'en veux pour preuve absolument tous les jeux indés. C'est quand même un secteur qui s'est fait tout seul, qui a réussi à faire de la com autour de ces jeux. Et tu crois qu'il y a tous les jeux indés qui cartonnent ou aussi Mais il y en a quand même énormément. Super Meat Boy, il y a des jeux qui sont sortis, mais de nulle part. On parlera de Rocket League tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est vraiment le jeu qui fait partie de ça. Bon, alors, c'est pas un jeu indé, hein, mais je trouve vraiment que c'est un jeu qui s'est fait sa pub et qui a réussi à obtenir vraiment une place vraiment très intéressante. Pour en revenir au problème d'accessibilité, je pense qu'en France, on peut même considérer que pendant très longtemps, les jeux japonais ont été très difficiles à acquérir. Il a fallu passer par de l'import et des autres bidouilles. Tu peux considérer que les Shenmue, enfin les plein de jeux uniquement trouvables au Japon, c'est quasiment de la série B chez nous. Et ça a réussi à intéresser les joueurs à tel point que on va voir à l'E3, Sony a fait des grosses annonces sur des jeux qui vont ressortir. Je trouve que les joueurs sont vachement écoutés à ce degré-là. Donc vous pensez, vous, un peu Ron et Matt, en tout cas, ont l'air de penser que l'avenir de la série B serait plus vers le démat, donc les jeux qui vont coûter 15€ peut-être, à plus petit budget, vous pensez que ça va se tourner vers là? C'est un peu le salut du petit jeu? Ouais. Jarel, le jeu vidéo de toute façon se dirige vers le tout des maths, donc je sais pas si ça se base là-dessus, mais en tout cas c'est vrai que l'offre est grandissante et même pléthorique actuellement en termes de production de jeux vidéo. Et pour faire c'est très difficile justement, je pense, pour maintenant pour un petit jeu vidéo aussi sympathique soit-il, de pouvoir sortir la tête de l'eau. Moi, il y en a un que j'ai fait il y a pas longtemps qui s'appelle White Knight, qui est très très sympa. Le genre noir et blanc français, hein, ouais. C'est ça. Hein. Voilà, jeu noir et blanc français, bien écrit, bon, des défauts, hein, mais bien des sûr, qualités. Ouais. Et je crois qu'il n'a pas bien marché. Il n'a pas eu son succès quand même, non? Je pense pas. Parce qu'il a été, bien critiqué par, très mal accueilli par la critique. Enfin, mal accueilli. Enfin, pas dire très mal accueilli. Mais mal accueilli par la critique. Et ne serait-ce que être mal accueilli par la critique, c'est-à-dire le présenter comme un jeu moyen, c'est déjà presque le condamner un petit jeu comme ça. Encore je pense avoir entendu pas mal de bonnes choses, moi, bizarrement, tu vois, sur le jeu. Alors, peut-être les joueurs, justement, peut-être plus des podcasts ou des sites moins importants que du jeu vidéo. Comme Gamekult, Gameblog, mais j'avais cru comprendre qu'il avait eu plutôt bonne presse, moi, bizarrement, mais peut-être chez les joueurs plus. Oui, je pense aussi. Je pense que ceux qui l'ont essayé ont gardé un très bon souvenir parce que le jeu est vraiment très très plaisant. Et à contrario, il y a certains jeux, parce que ça m'a rappelé un qui a un cas assez particulier, qui quasiment passait inaperçu au moment de sa sortie et qui est devenu une sorte de jeu culte, si bien qu'on en reparle, on en a reparlé récemment. C'est Spec Ops The Line. Exactement. Qui est un TPS. Qui est arrivé à sortir de son rang de TPS, enfin de TPS générique, parce que quand on regarde des images de Spec Ops The Line, c'est on ne voit qu'un TPS générique. Ouais, il faut passer outre, clairement. Ouais. Et en fait, il est arrivé à son statut, à ce statut un petit peu culte ou vraiment de sorte d'ovni vidéoludique par son traitement scénaristique, par l'expérience qu'il fait vivre aux joueurs. Traumatisme, la guerre c'est sale. Oui, mais ne serait-ce que partir dans ce lieu commun dans le jeu vidéo, c'est déjà révolutionnaire. Quoi, absolument. Parce que généralement, la guerre, c'est le mec avec sa grosse armure, le pistolet laser avec la tronçonneuse fixée devant, et puis vas-y, voilà, hop, roulez jeunesse, ça défouraille, ou alors c'est du Rambo, je dis quasiment l'intégralité d'un village vietnamien. En soldat, à moi tout seul. Écoute, laisse John en dehors de ça, tu vas un peu trop loin. Il a rien à voir là-dedans. Donc, en plus, c'était pas sa guerre. Ouais, c'était pas du tout sa guerre, le pauvre, il avait rien demandé. Mais je suis d'accord, Spec Ops: The Line, moi, bon, ça m'a un petit peu fait penser à Apocalypse Now. Il a fait du nettoyage quand même. Ouais. Mais il a fait du nettoyage, ouais. il a un peu dérivé par la suite. Spec Ops: The Line représente presque le jeu. Le jeu série B qui arrive à sortir sa tête de l'eau sans avoir véritablement un très bon accueil critique ni avoir forcément marché au niveau des ventes. Mais c'est vrai que ouais, c'est vraiment un bon exemple avec Deadly Premonition de ce type de jeu qui, au bouche à oreille, avec les gens qui font des Twitch, qui commencent à en parler. Il y a même un bouquin, je crois, qui est sorti, un magazine. Je crois que c'est Icar Mac qui a fait un magazine entier sur ce jeu-là. Donc c'est un jeu qui a beaucoup fait parler de lui, justement, par rapport à ses propos. Alors je vais dire mature, comme d'habitude, mais là, il y a un vrai travail d'écriture et un vrai recul sur la guerre et sur ce que ça peut faire sur les soldats. Comme quoi le public attend justement un vrai travail d'écriture dans le jeu vidéo, ce qui est trop rare actuellement. Alors une partie du public. Oui, c'est ça, moi je voulais un peu tempérer parle de réputation, mais là on parle, les jeux vidéo c'est aussi un business. Hein. Avoir une bonne réputation c'est bien, mais si ça fait pas plus de ventes, c'est pas ça qui va développer des jeux ambitieux de cette sorte-là. Ah bah il y a pas eu... C'est série B qui pousse là-dedans, voilà. Donc c'est cool quand ça existe de pouvoir les découvrir et de les jouer en passant outre la critique générale du moment. Et après, il y a des très beaux jeux qui ont coulé des studios. Ouais, tu disais, Matt, vas-y. Et après, il y a des très beaux jeux qui ont coulé des studios aussi. Oui. Le cas du studio, donc le studio qui a fait Spec Ops: The Line, donc le studio Jaeger, il a galéré après le jeu, parce qu'il n'a pas fait de jeu pendant un bon moment. Ils ont été annoncés à la tête de Dead Island 2, et ils ont été virés je sais plus qui a repris la franchise, mais ils ont été virés par l'éditeur, justement, parce que peut-être qu'ils voulaient proposer un petit peu autre chose, ou peut-être qu'ils avançaient pas assez vite, mais bon, les pauvres galèrent depuis qu'ils ont sorti Spec Ops: The Line. Donc, la preuve que c'est pas non plus, le studio n'a pas gagné grâce à ce jeu-là, quoi. Clairement. Moi, je voulais aussi parler un petit peu du prix des jeux, donc qui est un peu un problème, on va dire, aussi. Enfin, depuis maintenant, on peut trouver des jeux à certains prix sur Internet ou justement dématérialisés avec les promotions, etc. Mais est-ce que justement le fait d'avoir, alors, pour le grand public qui achète ces jeux 70€ des fois dans les micro-gnagnas et dans certaines autres grandes surfaces, est-ce que 70€, quand on a une valeur sûre avec un numéro derrière, parfois à deux chiffres et une surprise, on va dire, une nouvelle franchise, est-ce que ça pousse pas forcément plus vers le triple A classique de fin d'année, Rhône? Bah oui et non. On se focalise sur ce prix-là, mais bon, 60-70€, c'était le prix des jeux sur Mega Drive. Hein. Oui, mais les gens maintenant font plus attention. Alors, ils font plus. Je pense qu'ils font plus attention aussi à cause de cette volonté de bénéficier de cette offre pléthorique, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de jeux. Mmh. Moi, je pense que si un gamin de 14 ans, il a ses 4 jeux par an et qu'on y réfléchit, ça a déjà une certaine valeur marchande, eh ben, t'y fais gaffe, tu te concentres un petit peu dessus et tu passes outre le premier niveau qui est peut-être pas le plus beau jeu du monde, mais pour exploiter le jeu que tu as aussi. Donc, cette gamme de prix, je crois pas que ce soit un vrai problème. C'est plus, à nouveau, comme on l'a dit, une question de marketing. Peut-être qu'on a l'impression que le triple A est une sécurité, mais les exemples sont tellement nombreux pour montrer le contraire. Ouh là là, oui. Ah oui, clairement. Mais en plus, souvent des jeux comme Assassin's Creed, comme le dernier qui est, je ne me rappelle, Unity, et le triple A absolu où en fin d'année t'as une campagne marketing de ouf, où en plus on a des grosses douches froides, où j'ai l'impression que les gens feraient peut-être mieux de réfléchir un petit peu et de partir vers d'autres jeux plutôt que de foncer tête baissée sur des jeux qui donnent du pognon monstrueux à Ubisoft et qui les confortent dans le fait de faire des franchises annuelles. Mm-hmm. Je sais pas ce que t'en penses, Jarel, par exemple, de ce genre de choses. Tu parles de Watch Dogs, par exemple. Exemple. Aussi. J'ai remarqué ça en fait avec la Metal Gear Solid 5. Alors bon, j'ai pas joué à Metal Gear Solid 5, je vais pas faire de laïus ou je vais pas dire ce que je pense, mais à la sortie de Metal Gear Solid 5, tout le monde est tombé sur Metal Gear Solid 4 qui avait été encensé lors de sa sortie. Oui, exact. Alors, Ouais. Il a été encensé, porté au pinacle lors de sa sortie. Effectivement, assez rapidement, entre guillemets, tu entendais déjà des voix disaient « Ouais, bon, c'est génial, mais pour après, au bout d'un moment, dire « Ouais, c'est le plus pourri de la série, il est nul, c'est naze, etc. » Donc c'est vraiment étrange comme quelquefois, tu as les triple A qui sont vraiment encensés, qui sont vraiment notés de façon dithyrambique, et puis après, quand ils jouent après un certain temps, tu dis « Ouais, ben, punaise, c'est vraiment chiant, quoi. » En fait, le prix du jeu, effectivement, t'as l'impression d'acheter une sécurité, mais quelquefois, t'as un bon gros retour de bâton, et peut-être que ça va pousser aussi les personnes à essayer des jeux un petit peu moins connus. Et le marché, enfin, les offres Games with Gold ou les offres du PSN Plus, ouais. Peuvent permettre aussi aux joueurs de découvrir des jeux auxquels ils s'y seraient jamais essayés auparavant. Donc ça peut être aussi une porte ouverte à des petits jeux qui vont pour des suites, ou alors il y a le studio qui va attirer, etc. Donc peut-être aussi que c'est une bonne opportunité pour ces petits jeux, parce que pour l'instant c'est pas vraiment des gros triple A qui sont concernés. Enfin, tant mieux. Tant mieux. Ouais, là, oui, parce que là, avoir des petits trucs, je crois qu'il y avait Max and the Curse of the Brotherhood qui avait été qui faisait partie du programme à un moment sur la Xbox One, ouais. qui pour moi a été peut-être le meilleur jeu de lancement. Un petit jeu bien sympathique, ça permet à pas mal de monde de s'y essayer et de voir que dans ces petits jeux, il y a quand même pas mal de qualité et on prend plus de plaisir que sur quelquefois sur du triple A qui tâche. Donc voilà. Mais malgré ça, est-ce que pour vous, les offres de précommande qui s'enchaînent, même parfois à l'annonce du jeu, c'est-à-dire des fois un an avant la sortie, on nous pousse déjà à précommander les jeux, ça ne pousse pas les gens à économiser virtuellement leur argent et ne pas passer à autre chose, justement sur les triple A. Moi, je vois le cas de Deus Ex, où il y a même une offre de précommande où plus les gens vont précommander, plus tu auras des cadeaux, mais tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Enfin, on arrive dans la débilité absolue de ce système-là, mais est-ce que les triple A n'essayent pas déjà de rembourser leur argent avant même leur sortie? Et est-ce qu'on ne pousse pas les gens à mettre une confiance aveugle sur des produits qui sont peut-être destinés à nous décevoir? Les précommandes, c'est presque une campagne de Kickstarter d'un certain côté. Hein. Absolument, ouais. Regardez ce qui s'est passé. Enfin, j'ai rien contre Shenmue 3. Hein. Non, Shenmue 1, ça va m'énerver. Shenmue 1 et Shenmue 2, j'ai adoré. J'ai vraiment, ça faisait partie de mes jeux cultes, etc. Je pense pas que cela ait si bien vieilli que ça. Je sais pas si j'y prendrais autant de plaisir à y rejouer. J'étais très content de l'annonce de Shenmue 3, et quand je me suis jeté, comme le fan que je suis, sur la page de Kickstarter, je me suis dit, mais ils nous prennent pour des cons. Non. Parce que. Oh non. Parce que regardez, il y a les lucioles qui brillent derrière. Oh, oh, quelle horreur. Cette scène absolument horrible. Ouais. Mais la page de Kickstarter, ça s'appellerait pas Shenmue 3. Shenmue 3. Sincèrement, mais personne n'aurait donné un copec sur un truc comme ça. S'il vous plaît, donnez-moi 3 euros. Je veux faire mon Shenmue 3. Tu pourras mettre des pièces dans un appareil et avoir des petites boules. Ah mais voilà, c'était de la com. Mais t'as raison, c'est typiquement le genre de choses, les Kickstarters, c'est du faux Kickstarter. Ça permet aux éditeurs de voir un petit peu l'attente au niveau des jeux. Et, mais là, poses quand même la question de savoir si la connerie humaine est infinie ou pas. Et malheureusement, on n'est pas encore arrivé à la réponse. Les producteurs font de pire en pire, effectivement, les campagnes. Et ils se creusent la tête, hein, pour nous étonner quand même d'année en année. C'est de pire en pire. Alors, est-ce qu'à un moment, ça va craquer et ils vont se péter la gueule et ils vont vraiment souffrir, ou est-ce que ça va continuer comme ça? C'est quand même très difficile de répondre, malheureusement, pour l'instant. Moi, je voterai pour ça va continuer. Alors, en attendant d'avoir la réponse à cette question. Et mais est-ce qu'on va pas arriver sur une deuxième, enfin, sur une crise du jeu vidéo? Non, je ne pense pas. Non, honnêtement, vu l'offre qu'on a, je pense qu'il y a toujours moyen de retomber sur quelque chose, et il y aura toujours des moyens pour le jeu vidéo d'exister d'une autre manière. C'était beau, c'était incroyable. Transition. Et là, on va se faire plaisir, puisque on a à peu près ciblé, on a discuté de la série B, un peu les raisons, le pourquoi du comment, etc., etc. On va maintenant parler un petit peu de nos petits plaisirs, hein. On va parler justement des jeux qu'on va conseiller un petit peu aux gens de tester, ces petits jeux justement à la Turok, à la Body Count, que l'on fait entre quelques gros jeux de temps en temps. Alors j'ai demandé un petit peu à tout le monde de me faire une petite liste de jeux qu'ils conseilleraient à jouer malgré parfois les retours de joueurs ou les tests un petit peu moyens. Donc là on n'est pas dans les plaisirs coupables, attention, on est dans le bon petit jeu qui fait plaisir. Donc si je te demande, Jarel, de me ressortir, on va se limiter à 3 par personne parce que sinon ça va durer 15 ans, et là je trouve qu'on est dans les temps, donc c'est plutôt pas mal pour une fois. J'ai vu que tu avais noté par exemple Alpha Protocol, qui est effectivement un bon exemple de série B. Voilà, donc Alpha Protocol, noté, j'aime bien regarder même les notes métacritiques, pas pour leur donner du crédit, mais pour voir à peu près le niveau. Alors Alpha Protocol, c'est noté 63 en gros, c'est un jeu, pour moi, que j'ai trouvé excellent. Je me suis vraiment régalé de bout en bout, malgré, il y a plein de trucs qui vont pas, mais il y a énormément de trucs qui vont. Déjà, c'est une sorte de jeu de rôle d'espionnage, un RPG d'espionnage, ce qui est vraiment pas courant. C'est le seul, il me semble. Je sais pas, hein, si vous pouvez me reprendre, si vous envoyez. Vraiment, la troisième personne comme ça sera un peu un des seuls, je pense, effectivement. Très bien écrit, très sympa, et avec un système de dialogue qui met la misère à celui de Mass Effect, qui était monté au pinacle à cette époque. Je parle de Mass Effect parce qu'il était sorti à peu près en même temps. D'accord, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas te la jouer sympathique ou pragmatique envers les personnes. Ça dépend du type de personne que tu as en face de toi. Il faut soit que tu sois agressif, soit que tu sois neutre, soit que tu sois sympathique et tu le brosses dans le sens du poil. Et là, tu obtiens des choses. Donc, il faut vraiment que tu joues sans arrêt de la diplomatie, savoir quand est-ce qu'il faut que t'appuies, au moment où il faut que t'appuies, au moment quand est-ce qu'il faut que tu la joues profil bas, au moment où il faut la jouer profil bas, etc. Donc il est vraiment excellent et je pense qu'il n'a pas tant vieilli que ça, et on peut le trouver sur PC, et j'espère qu'il sera en rétro sur Xbox One. L'avantage en plus, c'est qu'il a pas vieilli parce qu'il est déjà un petit peu plus vieux que son âge. C'est clair. Oui, voilà. Non, mais il a pas vieilli en temps de plaisir de jeu, je parle. En plus, il se trouve à Peanuts, hein. C'est un jeu qui se trouve à 9 balles dans les bacs à soldes. Enfin, c'est même des fois pas très cher sur Steam d'ailleurs, je pense. Et il vaut vraiment le coup du point de vue histoire, plaisir de jeu. Enfin, c'est moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Protocol, très très bien. Rhône. Bon. Tempête de boulettes géantes. Alors ouais, je l'ai mis dans ma petite liste exprès, justement. C'est vraiment volontaire, parce que on est sur une adaptation de dessin animé, on n'en attend rien. Et qui est sympa, en plus, hein, dessin animé. Le dessin animé est plutôt cool. Et il se trouve que le jeu vidéo, eh ben, il est plutôt cool aussi. On n'est pas dans un jeu vidéo qui va taper du 90% dans la presse vidéoludique, c'est sûr. Mais c'est vraiment le jeu vidéo hyper sympa à jouer avec son gamin. Il y a des couleurs, il y a des niveaux variés, ça n'a pas inventé l'eau chaude, mais c'est très agréable à jouer. Donc typiquement le genre de jeu dont on ne parle jamais, qui est sombre, qui est totalement tombé dans l'oubli. Moi je l'ai prêté à plusieurs parents qui avaient des gamins et ça a toujours fait l'unanimité, quoi. Comme quoi parfois c'est ça qu'il faut, un bon petit B qui va bien. D'accord, donc si vous avez des enfants, Tempête de boulet de géante sur Xbox 360, PS3 peut-être, je ne sais plus. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'il est sorti sur PlayStation 3 aussi, donc si vous avez des gosses et que vous voulez jouer avec eux, bah c'est peut-être sympa, voilà. Il coûte pas très cher, je pense aussi. Je vais faire mes 3 hyper vite là, parce que Jarel a été très long sur Alpha Protocol. Je fais exprès de pas parler de Tintin et le secret de la licorne qui était dans ma liste parce qu'on l'a déjà un peu évoqué. Mais tu en parles quand même, du coup, c'est bien. Une bonne gruge pour le passer quand même. Celui dont je voulais pas qu'on parle tout à l'heure, c'était Buffy contre les vampires. Je suis sûr que c'était de ça dont Jarel voulait parler. Une adaptation de la série télé qui est un beat'em all génial sur la première Xbox. Effectivement, il est très bien. C'est vraiment un super jeu. Et je voudrais juste en glisser une petite sur un jeu sorti sur Xbox One, PS4, Xbox 360 et PS3 probablement, et PC sans doute. C'est Murdered Soul Suspect que j'ai testé pour Xbox Xbox, où là pour moi on est vraiment dans le B. On a un jeu qui a une réalisation, bon, alors correct, mais correct, c'est bien le terme, qui au niveau du gameplay propose rien d'incroyable, mais par contre il y a un angle, il y a de l'originalité. Alors plutôt que de dénigrer ce jeu où on fait une enquête alors qu'on est mort sur qui nous a tués, ben ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil là-dessus. Et un autre avantage des séries B, c'est que souvent il en reste pas mal dans les magasins, donc les prix baissent très vite et c'est aussi un jeu qu'on touche pour 15 balles, quoi. En plus, il sortait un peu de nulle part, hein. C'était du Square Enix, si je me trompe pas. Ouais. Hein ouais, ouais, c'est ça. Il me semble. D'accord. Et qui a fait un bon gros bide. Ouais, mais moi, voilà, je trouve vraiment pas mal, quoi. J'ai bien aimé ce jeu-là. D'accord, donc Buffy contre les vampires avec la belle Sarah Michelle Gellar, Tempête de boulettes géantes et Murder Soul Suspect, c'était les conseils B de Rhône. Juste une petite parenthèse. Bien sûr. Le Indiana Jones, qui était, je crois, peut-être de la même boîte que Buffy contre les vampires, était aussi très sympa. Esther, c'était un jeu qui avait été repoussé une paire de fois et qui est sorti d'un seul coup, je crois, sur PS2 et Xbox. Là aussi, si je ne me trompe pas. J'aime bien dire ça, si je ne me trompe pas, parce que je ne prends pas de risque. Alors, je vais rester sur toi, Jarel, hein, en tout bien, tout honneur. Avant de passer à Matt qui fait ses devoirs et qui écrit des choses sur le doc du podcast. Tu as parlé de Alpha Protocol. Est-ce que tu as envie aussi de conseiller Unslave, qui est effectivement un jeu plutôt sympathique, qui était un peu passé une aperçu. Oui, je conseillerais Enslaved aussi. Alors bon, le gros reproche d'Enslaved, c'est qu'il était trop au moment de sa sortie, dirigiste est trop facile. Il était sympa. Si tu mettais en difficile, tu réglais le problème de la difficulté, ça donnait un petit peu plus de challenge. Il était bien écrit, bien joué. J'aime beaucoup le travail de la boîte sur tout ce qui est reconnaissance faciale et même jeu d'acteur, parce qu'il y a avec Andy Serkis qui fait les personnages, c'est ça, en performance capture. Alors s'il les a fait sur Enslaved, il me semble il les avait fait déjà sur Evenly Sword qui valait pas grand chose, mais par contre en jeu d'acteur c'était impressionnant. Ouais, belle cinématique. C'était vraiment très bien. Et là effectivement Enslaved, j'ai particulièrement aimé. C'est péchu, c'est bien, c'est varié, c'est des couleurs qui pètent, c'est très sympa. C'était un des rares jeux post-apo de l'époque où tu avais des couleurs, un petit peu que du marron et du gris, les couleurs étaient très sympas, et je crois que c'était basé sur la légende du roi singe. Tout à fait. Donc, et la légende qui a permis à Dragon Ball d'exister, si je ne me trompe pas. En tout cas, il y a une queue dans Dragon Ball aussi. Il y a une queue, effectivement. Y a une queue dans les films de Rocco Siffredi aussi. Oh mon dieu, ça y est, on est censuré, ça y est, c'est parti. Peggy 18. Et donc tu en étais à 2, et donc on va placer quoi? Allez, parle-nous, parce que là c'est un petit peu plus B de Rise of the Argonauts. Alors Rise of the Argonauts, je voulais plutôt passer Galéon. Non, Rise of the Argonauts, faut en parler, c'est vraiment une bonne surprise. si tu veux, je te. Ah, vous m'étonnez, vous voyez là, je m'attendais alors, pas à ce que ça ressorte. Non, Rise of the Argonauts, j'en attendais rien. Ça commence, c'est très moyen, voire même vraiment pas terrible, et pourtant on arrive à avoir une sorte de. On parlait avec Dante Inferno de Copy, et là il s'agit d'un Copy d'un jeu BioWare. Donc effectivement, quand on joue à Rise of the Argonauts, on a l'impression de jouer à un de ces vieux jeux BioWare comme Knight of the Old Republic à l'époque, voire Jade Empire qui est plutôt assez proche. Et alors ça a le mérite de se placer dans toute la mythologie antique, grecque et romaine, il me semble, c'est que grec. Mes souvenirs sont encore flous, mais en tout cas il se place vraiment dans cette mythologie là ça marche du tonnerre, c'est très très plaisant. Une fois qu'on a passé la première île, on part sur une odyssée qui est vraiment vraiment très très sympa, et avec un design assez incroyable des créatures mythologiques dans un jeu de cette stature, c'est très surprenant, mais d'un point de vue artistique le chara-design est formidable sur les créatures. Vous m'étonnez, je ne m'attendais pas à ce que ça ressorte comme un jeu plutôt sympathique. J'avais vraiment entendu plein de mauvaises choses, voire très très très très moyennes sur Rise of the Argonauts. En tout cas, pareil, c'est un jeu qui ne doit pas coûter très très cher sur 360 et PlayStation 3. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil là-dessus. Matt, est-ce que tu as fini tes devoirs? Et oui, tout à fait. Magnifique. Eh ben, écoute, je vais te laisser parler. Alors, je suis un petit peu choqué de voir Saints Row the Third. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une série B, les amis? Saints Row the Third. C'est un peu borderline parce que c'est effectivement dans l'esprit complètement Z. Par contre, ça a été acclamé par tellement de joueurs qu'au final, on est juste un cran en dessous de GTA et on est peut-être quand même dans du B. Parce que c'est une série qui est montée en puissance depuis le premier quand même. Saints Row, c'est parti complètement. En fait, ils ont eu la bonne idée de ne pas copier GTA complètement et de partir dans un délire complètement bis, effectivement. Ah bah délire, c'est le mot. Hein. C'est vraiment un grand renfort d'autotunes et de god géants. C'est un jeu sur les god géants. C'est pour ça que ça te plaît en fait. Ah mais oui, mais en même temps, moi je n'aime pas les jeux de gladiateurs. Hein, Et vous savez, je vais juste te couper. J'ai une anecdote là-dessus à l'époque où je travaillais dans un magasin de jeux vidéo. Donc quand Saints Row 3 est sorti, donc il y avait effectivement le fameux god violet qui était assez mis en avant dans les magazines, etc. Et donc une famille est venue pour acheter le jeu à un enfant. je dis écoutez madame, donc je fais mon métier, je suis très professionnel, je dis écoutez madame, vous savez dans ce jeu il y a des gens nus, il y a des actes sexuels simulés et il y a aussi, on peut frapper les gens dans la rue avec un god miché violet. Le papa fait oh là là, dis donc, c'est pas bien, et puis donc ils sortent. Et donc il y avait plein de monde, c'est Vernuel, je crois. Et là je les vois passer à l'autre caisse, et ils l'ont quand même acheté, ces enfoirés. Donc ils n'en ont absolument rien à foutre. Si vous m'écoutez aujourd'hui, vous pouvez aller vous faire voir. Donc j'espère que votre enfant vous frappe à coup de god miché maintenant chez vous. Tu les avais culpabilisés pendant 2 minutes. Quoi. Ouais, au moins 30 secondes, il fait, oh là là, un god miché, merde, si jamais il trouve le nôtre à la maison, merde. Moi ouais, voilà, je pense que c'est le père qui l'a acheté pour lui à la fin. Non, pas du tout. Ils l'ont acheté pour le gosse, que le gosse a gueulé dans le couloir. Donc du coup, il est revenu l'acheter. Je l'ai entendu grogner. Il l'a quand même acheté. Donc bravo les parents, c'est la classe. Ouais, je te laisse continuer, Matt. C'est super. Ouais. Bah sinon, totalement autre genre, parce que là, du coup, on est dans le anti-sexy. C'est toute la franchise Stalker. Oui, effectivement. C'est un FPS dans l'Ukraine post-catastrophe nucléaire. Et on aime l'Ukraine. C'est ça. Effectivement, c'est très exigeant. C'est vraiment difficile. Et c'est vraiment pas du tout glamour. Tu te balades vraiment dans des paysages. C'est ce qui fait le charme du truc. Mais effectivement, c'est pas très beau. Mais tout est dans l'ambiance, en fait. On est dans le post-apo de Brutas, là, pour le coup. C'est le vrai post-apo bien glauque. Hein. Ouais, donc là, tu comprends que ça soit pas un triple A, quoi. Ça, y a pas de problème. Ouais, il a mis du temps à sortir en plus. Hein. L'extension était pas mal, il semblerait. Soit même très, c'est d'une qualité vraiment exceptionnelle. Il y a eu des gros problèmes techniques aussi. Il y avait pas mal de configurations qui, sur PC, quand il lançait le jeu, crachaient. Mais effectivement, c'est Barberousse, si tu m'écoutes, le PC, voilà, c'est formidable. Puis un petit dernier, un jeu indé, je sais pas si vous en avez même entendu parler, Speedrunners. Pas du tout. Alors en fait, c'est la bonne idée de mettre Super Meat Boy en multi. Ça donne des courses en fait complètement débridées et des bonus qui n'ont rien à envier aux bonus de Mario Kart simplement. Ouais, d'accord. Et donc c'est vraiment de la tuerie en multi et tout en étant un jeu qui pète pas plus haut que son cul, effectivement ça ne fera jamais la une, ça ne sera jamais recommandé partout, mais pourtant c'est vraiment l'un des jeux que je sortirais en premier pour jouer en multi, quoi. Et donc on est sur un type de visuel à la Super Meat Boy, c'est du pixel art ou du 8 bits, 16 bits ou pas du tout, du 12 bits. C'est beaucoup plus enfantin que Super Meat Boy, en fait. T'as des personnages licornes, tu peux jouer aussi avec... Ah, des licornes, ça c'est cool. Bah, forcément, ils se font beaucoup de clins d'œil dans le monde du jeu vidéo indépendant, donc tu peux jouer pas mal de persos d'autres jeux, mais c'est vraiment très très gentil. Hein. D'accord, très bien. Bah écoutez, vous avez eu notre sélection de jeux qui normalement ne coûtent pas cher, donc si vous avez un petit peu de sous et que vous en avez un petit peu marre de faire un peu toujours les mêmes jeux, bah n'hésitez pas à piocher là-dedans. Je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir. Moi j'avais juste noté, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on a parlé pas mal, moi je conseille toujours, encore et toujours, Manhunt, qui est un jeu que j'aime beaucoup et qui a été énormément décrié à l'époque et qui est purement un jeu pour moi bis de chez bis, avec une ambiance à la Carpenter au niveau de tout ce qui est musical et ben moi c'est un jeu qui m'a complètement embarqué et qui, au-delà de l'ultra violence, on va pas se le cacher non plus, c'est un jeu qui est plutôt malin et qui a une belle vision, enfin une vision plutôt intelligente de la télé-réalité, du monde qui nous entoure et de la violence d'ailleurs qui nous entoure. Et il y avait aussi, ça je fais d'une pierre deux coups, attends, laisse-moi deviner, Manhunt, c'est tes parents qui t'ont acheté malgré les conseils avisés du vendeur qui ne voulait pas, c'est ça? Non, j'étais majeur, monsieur. Je suis peut-être plus jeune que vous, mais quand même, à une certaine époque, je pouvais rouler moi-même. Donc, je suis allé acheter mon jeu. Et j'allais oublier, je vais quand même parler de Silent Hill Downpour aussi, qui est un jeu mal aimé, je trouve, et qui est pour moi le meilleur Silent Hill depuis le 3. Donc c'était pas compliqué en même temps, parce qu'il y en avait quand même une paire qui était assez mauvaise, et c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que le studio s'est complètement réapproprié la licence. Et donc, si vous aimez un petit peu Silent Hill, si vous aimez un peu ce que faisait à l'époque Akira Maoyoka avec la licence, on retrouve un petit peu de ça, avec une ambiance un peu différente, plus fantomatique, un petit peu plus mélancolique aussi. Donc ça tranche un petit peu avec les anciens, mais je trouve qu'il trouve sa propre identité et c'est pas mal du tout. Et il y avait aussi à l'époque Kenan Lynch qui s'était fait flinguer. J'avais adoré l'ambiance un petit peu à la Hit de Michael Mann. C'est un jeu qui était très cool au niveau de l'écriture, au niveau mise en scène, et même s'il y avait des gros défauts de gameplay de temps en temps, je me suis pareil laissé emporter par le truc et par le duo qui, je trouve, fonctionne très très bien. Il est très très bon, Kenan Lynch. Ouais. Moi, j'ai beaucoup apprécié, beaucoup moins le 2. Qui est plus bis pour le coup que B. C'est plus, voilà, ils vont vraiment dans l'image crado, etc. Ouais. C'est rigolo, mais je le trouvais un petit peu moins abouti au niveau de l'histoire. Ouais, il reprenait à peu près la même gameplay que dans Freedom Fighter. C'est un peu vrai, absolument. Et que j'ai beaucoup aimé aussi, Freedom Fighter. Oui, qui était cool. C'est aussi un B qui était très cool. Qui était vraiment très très bien. Eh ben, écoutez, messieurs, c'est très bien. Là, on a un petit peu brillé avec nos jeux un peu cool et tout, mais là c'est le moment de mettre la main dans le caca et de sortir vos expériences immondes. Donc nous, ce qu'on appelle les plaisirs coupables, ce sont ces jeux que toi, derrière ton écran, derrière dans ta voiture ou dans ton bain, en train de nous écouter, tu te dis mais moi il y a un jeu que je déteste, tout le monde déteste ce jeu. Eh bien, par exemple, Rhône, lui, il y a des jeux qu'il adore et pourtant ce sont des grosses bouses. Je vais en prendre un au hasard. Tiens, un jeu Jaguar. Ouh, on a un jeu Jaguar. Alors, je vais te laisser parler de Pinball Fantasy. Eh ben voilà, c'est bien l'illustration que parfois tous les goûts sont dans la nature. Moi, j'adore les jeux de flipper, j'adore ça. Et j'avais chopé une Jaguar pour vraiment pas très cher. Il y avait Alien contre Predator quand même, que t'es cool. C'est vrai. C'est vrai. Et puis il y avait Alien contre Predator, je crois. Et puis je crois que c'est tout. Et je crois que c'est un peu tout, mon ami. Et puis des jeux de combat avec des mecs digitalisés, mais ça, je les ai juste regardés. J'ai vraiment trop honte, j'y ai pas vraiment joué. Par contre, Pinball Fantasy, j'arrivais quand même à passer des heures dessus, sachant que j'avais quand même la Jaguar qui était installée entre la PlayStation et surtout la Saturn. J'arrivais quand même, malgré tout, à toujours trouver du temps pour faire une partie de flipper. Et le pire, c'était que, comme j'étais très bon, à force, une partie, ça pouvait durer, mais une heure sur une table. Et quand tu vas taper un high score, tu fais un truc de fou. Le lendemain, quand les copains ils disent « Bon, t'as joué à quoi hier ?»« Ah, j'ai pas eu le temps. » J'ai pas joué, non. Non, il y avait des devoirs et tout. Non, j'ai joué à Pinball Fantasy. À quoi ? Non, je déconne. Ouais, c'est ça. Non. La Jaguar, je pense que... parce que avoir honte de jouer, c'est aussi de jouer à certaines consoles qui sont pas à la mode au moment où on les a. Et la Jaguar, je dois dire, je la laissais pas sur la table basse quand les copains venaient. Quoi. Mais c'est quand même la seule console qui rugit quand tu l'allumes. Ouais, c'est ça. Et qui avait des manettes aussi qui étaient vachement bien parce que tu... Non, c'était un Minitel. C'était pas... c'était ça, voilà. Il y avait plein manettes. De boutons, tu comprenais pas trop. Il va falloir maintenant expliquer ce que c'est qu'un Minitel. Ah oui, merde, c'est vrai. Bon, passons. C'était une manette qui faisait 12 mètres carrés à côté de la manette de la première Xbox. C'était une miniature. Parce qu'on glissait des petits papiers sur la manette de la Jaguar. Enfin bon, ça c'est des trucs de vieux. Un jour, il faudrait qu'on en parle, tiens. Il faudra que ça sorte. Les trucs de vieux. Alors parlons ensemble de Rogue Warrior, Ron. Ah là, Rogue Warrior. Ce nanar intergalactique. Tu veux que je commence un peu et puis t'embrayes, quoi. Fais-toi plaisir. Ouais, Rogue Warrior, je l'avais testé pour Xbox Oxygen. Je vous conseille de chercher le test sur le site parce que je m'étais beaucoup amusé à le rédiger. Moi, c'est un jeu que j'adore grâce à sa... Ou peut-être... Moi aussi. Grâce à sa nullité. On peut dire que c'est la première vraie simulation de Chuck Norris. Alors, c'est ça. En fait, tout est nul. C'est un jeu dans lequel, quand on se met en mode simulation, on peut se cogner dans un mec... qu'on voit pas, et ils nous voient pas non plus, quoi. Et c'est un jeu où les dialogues sont absolument incroyables. C'est vraiment... Salut, Francis. Ouais. Tu vas mourir, pourriture communiste. Je vais mettre tes couilles sur ton front. les dialogues sont juste incroyables. Le gameplay est d'une telle nullité que c'est complètement absurde. Toutes les phases où faut qu'on essaye vaguement d'être planqué, les hitbox sont complètement pourries. T'as aussi vite fait de foncer sur les mecs pour les taper. Ce jeu, j'ai vraiment vu regarder ça comme je regarde, comme je regarderais un film sur Nanarland, quoi. Je me suis vraiment marré en jouant ça. Hein, je sais pas, Creeper, ce que t'en as pensé, mais moi c'était du petit lait, quoi. Comme je dis, moi c'est le. Déjà, j'ai lancé par rapport à la boîte. Alors, donc, je vais répéter toujours les mêmes anecdotes par rapport à là où je bossais avant. Ça me permettait vraiment d'avoir des trucs assez marrants. Et il y a un client qui venait, qui avait acheté un jeu chez Auchan. Et le mec, il vient avec son jeu, donc avec sa boîte de Rogue Warrior. Il faut voir la boîte. Hein. C'est alors soi-disant un personnage qui a existé. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce mec. Oui. Donc les cheveux noirs lissés en arrière, la méga grosse barbe. Un peu comme si vous aviez Sébastien Chabal, mais en tueur en série. Quoi. Donc avec le gros couteau comme ça. Donc le mec, il arrive. Et moi, je voyais le jeu en plus revenir toujours. Les gens achetaient en occasion. J'en voyais plein. C'est là que tu vois que des fois, les séries B, c'est un peu comme les vidéoclubs. Les mecs viennent un petit peu en occasion. Ils osent pas trop, mais ils achètent le petit jeu un peu pourri. Mais ils viennent le revendre le lendemain. Et donc le mec, il débarque, il dit écoutez, je viens d'aller à Auchan, puis j'ai demandé à ce qu'on me conseille un jeu à la Assassin's Creed, et on m'a conseillé Rogue Warrior. Là, on s'est regardé avec mon vendeur, on a explosé de rire. Et je fais bah, écoutez, monsieur, vous vous êtes fait niquer. Et donc Rogue Warrior, ça dure 2h30 quand même, hein. C'est vraiment le film de série Z d'action où vous dirigez donc le mec, il arrive, il va pour buter tout le monde. Et par exemple, donc on a la limite du racisme, un petit peu à la Invasion USA, donc les films de Chuck Norris, où à un moment on arrive derrière un Coréen, donc on bute le Coréen, et donc le mec il dit un bon coco est un coco mort. Et là je pense que tout est dit, donc c'est un mélange de vieille infiltration pourrie et de FPS à deux balles. Et autre anecdote, j'avais fait ça avec ceux qui connaissent un petit peu sur Xboxygène, c'était Romain ou Grognon, j'ai changé plein de fois de nom ce mec. Donc coucou d'ailleurs si tu écoutes. Et on s'est dit on voulait faire les succès, donc moi je l'ai fini 5 fois dans la même soirée, déjà pour débloquer un maximum de trucs, et donc on s'est retrouvé à deux sur une map multijoueur, et donc il y avait aucun son, et on entendait juste un bruit de chat. Ça faisait toutes les deux secondes. Donc ce jeu est affreux, mais par contre ouais, c'est un petit délice, quoi. C'est un plaisir coupable absolu, Rogue Warrior. Donc on était à 2 Rhône, donc ne l'achetez pas, hein. Faites-vous le offrir, surtout ne faites pas l'erreur. Donc on va passer sur Soldier of Fortune, parce que c'est un peu la même chose, mais en un petit peu mieux le premier, même s'il était assez assez gore, etc. Ouais, raconte-nous ta passion pour les jeux NCIS et CSI, enfin ces jeux super chiants. Alors voilà, ouais, je crois que je saurais même pas expliquer pourquoi. C'est chiant. Moi je peux pas m'empêcher, je crois que je les ai tous faits. Mon Dieu. Les experts. Et je pousse même le vice à les avoir faits sur console, c'est-à-dire sans souris, quoi. Mon Dieu. Je sais pas pourquoi j'aime ces jeux, mais j'aime ces jeux. Les enquêtes sont souvent encore moins bien que les épisodes des séries télé. Les modélisations sont épouvantables. Mais c'est chiant. Eh ben ouais, mais moi ça m'hypnotise, ce truc. C'est chiant. J'ai envie de dire même pour le racheter. Même pas honte. C'est quoi. Chiant. Non, c'est vrai. Eh ben c'est chiant, mais en même temps... C'est un peu le Derrick du jeu vidéo, on voit que t'es vieux quand même. Même un chercher-trouve, ça doit être plus rigolo que ça. Alors là j'avoue, j'ai vachement mal à me défendre, parce qu'en plus, je crois vraiment que je les ai tous faits. Et à chaque fois que j'y joue, quand je commence une nouvelle enquête, dans chaque jeu t'as plusieurs enquêtes, je me dis, oh ça a quand même l'air con là. Et malgré tout, j'y vais et je réussis à me prendre la tête sur les épreuves à la con. Tu regardes dans un microscope, faut tourner vaguement la manette tout doucement. Donc, je crois que c'est un gameplay qui est aussi pauvre que celui de The Order. Ah, mais c'est casse-moi. C'est comme si t'avais tout le moment où tu touches tes objets dans The Order pendant 4 heures, quoi. Enfin, donc je sais que c'est nul. Je sais même que, non, il n'y a vraiment rien à sauver dans ces jeux-là. Mais j'y peux rien. J'aime ça, j'adore les jeux d'enquête. Alors évidemment, je bois du petit lait quand c'est un Sherlock Holmes, où là, c'est tout de suite mieux, c'est sûr. Mais je crois que c'est aussi parce que c'est tellement sous-représenté sur nos machines que je crois qu'il y a du Telltale, ils ont fait des jeux en plus NCIS, je crois Telltale. Peut-être que c'était eux. Alors voilà, tiens, maintenant que Telltale c'est à la mode, je vais dire moi je le savais depuis le début. Ouais, moi je les suis depuis le début, les mecs. Moi je les suis depuis longtemps, Telltale. Je suis un fan hardcore, quoi. Pour racheter le jeu, est-ce que quand tu résous une énigme, ça fait yeah? Non. La seule chose La seule chose que ça fait, c'est que si tu le fais sur Xbox, ça fait pouk pour te dire que t'as eu un succès, quoi. Non, t'as vraiment rien. Et ce qui est fou dans ces jeux-là, c'est qu'en plus, moi j'ai l'intime conviction qu'on pourrait faire un truc sympa. Un vrai truc d'enquête où on irait chercher des choses, où on chercherait vraiment, mais tout est super guidé. Mais non. En fait, je me demande pourquoi j'y joue. Mais je suis sûr qu'ils en ressortent un. Je vais le faire. Non, mais t'es sur le canapé, vas-y, balance. Ça va sortir tout seul. Au bout d'un moment, tu vas pouvoir faire tourner la page et jouer à des vrais jeux. Parce que là, par contre, c'est nul et c'est chiant, quoi. J'ai du mal à te suivre, là, par contre. Ah ouais, je sais. Tu es seul. Je suis seul, mais bon, c'est le sujet du podcast. Moi, j'avoue tout, moi. Voilà. Mais comme dit Matt, il devrait y avoir le yeah au moins quand tu fais un truc un peu cool, quoi. Mais non, même pas. Mais non, parce que c'est ceux de Las Vegas. Dans Las Vegas, il n'y a pas de punchline et de trucs. Ah, il n'y a pas de yeah. Non, okay, il n'y a pas de yeah. Bon, on va rester sur cette déception et sur ce moment de solitude. Je vais passer à Matt cette fois. Matt, donne-moi un de tes plaisirs coupables. Je sais que dans tes toilettes, Matt. Là, on est entre nous. Tu vois, je m'installe à côté de toi tranquillement. Je sais que ça va pas bien. Tu t'installes à côté. Voilà. Merde. Grande toilette. Ouais, c'est les toilettes russes. C'est pas grande zéro, plusieurs. C'est grande toilette. Et donc, tu joues à Candy Crush Saga, Matt. Et ça a du mal, tu vois. C'est... Non seulement Candy Crush, mais Dragon Coins, Angry Birds, voilà. On est dans le mobile gaming, et plus précisément les recoins les plus sombres du mobile gaming. Comme on dit sur Gamerside, c'est du caca gaming. Voilà, entre celle qui te fait lâcher 2,49€ pour pouvoir continuer au-delà de tes 5 vies, ton mais seuil de 5 génial. Vies habituel. Génial. Est-ce que tu as déjà payé? Ah bah évidemment. On va le dire. On a un bon client, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes contents d'être restés jusqu'à là. Nous avons l'homme qui paye 2,45€ ses vies. Voilà, c'est parti. Vas-y, enchaîne. C'était plutôt à Pokémon Shuffle, d'ailleurs. Ah ouais, mais, Pokémon Shuffle. Mais t'as aussi la partie qui te ramène au stade vraiment le plus primitif du gamer, le runner pourri ou le chamboule-tou à Angry Birds. Tu peux pas dire que c'est le jeu dont tu te vantes d'avoir joué. Hein. Ça, c'est je ça. Joue au chamboule-tou. Oh merde. C'est quoi d'autre que ça, qu'un chamboule-tou géant, Angry Birds? C'est vrai que c'est un chamboule-tou géant avec des oiseaux. Ouais, putain, il faut sortir le film en plus, putain. Oui, mais c'est drôle, les petites musiques sont sympas. Non, mais c'est agréable à jouer, Angry Birds. Bon, je sais que c'est pas mon tour, mais j'ai fait pire que lui. Hein. Moi, Angry Birds, j'ai pris sur console. Hein. Ok, non, merde. Yeah. Ok, vas-y, mon pauvre Matt, vas-y, enchaîne. On a trouvé plus triste que toi, mais bon, c'est comme ça. C'est son rôle. Il a un rôle à jouer ici, c'est ça. Ah bah voilà. C'est chaud, moi, je peux enchaîner, je sais pas, moi, sur les Sims, par exemple. Décidément. Non, c'est abusé. Vas-y. C'est abusé, quand même. Bah, ça fait mal, mais je crois qu'on va tous être obligés d'avouer qu'on a passé des heures sur la simulation de vie d'Electronic Arts. Ah non, on a changé le papier peint parce qu'il allait plus avec le canapé. J'avais joué au premier, moi, à l'époque, où ils allaient beaucoup aux toilettes, ces cons-là, mais... Oui, mais t'as pas pesté contre les mecs quand ils bouchaient les toilettes pour la 47e fois? Absolument pas, non. Oh ouais. Bon, c'est genre d'anecdote. T'as pas eu les nerfs quand les mouches elles commençaient à voler au-dessus de la pizza que tu venais d'acheter? Ah si, bien sûr. Ça m'a beaucoup énervé, ça m'a beaucoup bouleversé. Ouais, c'est quand vient chercher ton gosse aussi, tout ça, parce que tu l'as pas changé. Ah merde, j'y ai joué aussi, oui. Alors. Ah le con. Non mais voilà, les Sims, c'est typiquement le jeu où il est dans ton étagère parce que tu dis « c'est ma copine qui y joue ». Ah, c'est ou vrai, alors c'est ma petite sœur qui y joue. La fameuse excuse. Avoué, ma... quoi. Moi, c'était non, je n'ai jamais acheté les Sims. Moi, je n'ai jamais. Bah, je suis pas PC déjà de base, mais je n'ai jamais acheté les Sims. Mais il existe sur console. Bah, je l'ai testé sur console, donc j'y ai aussi joué sur console. Oh, la DAS a aussi emmené mes enfants sur console. Oh la honte. Yeah. Mon dieu, les Sims, quoi. Ah non. Oh là là, c'est moche. Je vais enchaîner avec Bust Groove parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi. Ah, Bust Groove. C'est le jeu de danse, Bust Groove. Ah bah oui, Bust Groove. De la PS1. Bah, même j'ai envie de grouper en fait avec tous les jeux de musique, globalement. Oui. Guitar Hero, tout ce type de jeu. C'est pas nul ça, c'est pas du nanar. Bah ouais, c'est carrément cool Guitar Hero, tout ça. Ouais, c'est cool, mais globalement j'ai l'impression que c'est quand même. Maintenant c'est ringard. Bâché, quoi. Maintenant c'est ringard. L'avantage, c'est là où c'est un avantage d'avoir des enfants. Comme j'ai une fille, bah, je joue aux jeux de danse avec Kinect. Hein. Parce que Bust Groove, c'était carrément génial sur PS1, moi. Je jouais des heures et des heures et des heures avec ma femme, d'ailleurs, celle qui allait devenir ma future femme. On jouait à Bust Groove tous les deux. C'était même comme ça que ça a commencé. Ah bah on a groové tous les deux, après, hein, c'était parti. Hein, c'est... Sur Francky Vincent. Tu veux mon zizi? Oui. plusieurs coupables, on est dans le sujet. Parfait. C'est non, bon. Mais... En parlant de gros maracas, moi j'ai fait du samba des amigos avec ma future femme sur Dreamcast à l'époque. Ah, t'as secoué les maracas, et ça c'est cool. Ah ouais, ça c'est cool. Voilà. Et donc trois enfants, non, ça marche bien. Ouais, trois enfants, les maracas ça marche. Ça marche. Et moi je me suis fait une tendinite en célibataire sur Guitar Hero. Ok. Ça c'est l'anecdote qui tue ça. J'avais pas l'air d'un con à la pharmacie. Tu faisais Metallica. Le mec m'a demandé comment je m'étais fait ça. J'ai joué à Metallica en expert, non, mais sans déconner, monsieur, s'il vous plaît. C'était la honte. Ok, donc t'es arrivé dans... je voudrais une boîte de capote. Non, je déconne, je me suis fait une tendinite en jouant à Guitar Hero, s'il vous plaît. Donnez-moi de la pommade. C'est encore pire, monsieur. Ok, très bien. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur les jeux de... Mais Bust Groove, c'était cool. T'as, j'adore ce jeu, il faut que je le retrouve d'ailleurs. Bust Groove sur PS1, la musique était carrément classe, on jouait des extraterrestres, enfin, c'était complètement improbable ce jeu. Mais je t'ai même pas laissé répondre. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Matt? Oh, vite fait, les jeux Zoom Up, Eagle, les Duke Nukem, voilà, sauf le dernier, Forever, évidemment. Ah, pareil, Duke Nukem, c'était la classe. On peut pas mettre ça dans c'est le. C'est un super le jeu. Le Duke Nukem. C'est carrément un bon jeu. Tu vas te faire insulter dans les commentaires, hein, Matt. Dès le premier, comme ça, tu vas te faire bâcher, c'est con, quand même. Ah, quand même, attends. Il en faut un qui prenne les insultes, on a qu'à dire que c'est Matt. Ouais, ça va être Matt, parce que Duke Nukem, c'est carrément un jeu culte. Ah oui, c'est culte, mais globalement, c'est quand même Z, totalement Z. Ah, quoi. Mais c'est complètement assumé. Là, on est vraiment dans la parodie de Schwarzenegger, dans la série B absolue, dans l'outrance complète. À la rigueur, tu nous aurais dit Duke Nukem Time to Kill, là, comme ça, tu cibles bien. Ouais, ou Forever, là, on aurait été carrément dans le. Ouais, la série Forever, Z, là, ouais. Pour assumer Duke Nukem Forever. Ouais, malheureusement, j'y ai pas encore joué. Je ne perds pas espoir. Quand tu commences ta partie avec la bite à la main et que tu fais « Oh yeah, let's go !» Là, tu te dis « ça craint quand même. » Ok. Tu le fais surprenamment bien. Ah, je sais, je suis doubleur officiel dans des conventions anonymes. Mais ça ne m'étonnerait pas. Ok, bon, on va enchaîner avec Jarel. On sait qui se cache derrière les lunettes noires maintenant. Exactement, c'était moi. Jarel, toi, tu as... donc, non seulement tu secoues les maracas avec ta femme, mais en plus, tu secoues le micro. Je suis désolé, la transition est toute faite, mais on pouvait secouer les micros dans l'Ips. Donc, Je secoue aussi le micro avec ma femme dans l'Ips. Et oui, ça fait partie de ces plaisirs coupables, les trucs que tu sors quand les enfants sont couchés. Et que tu baisses un petit peu la voix pour pas que les voisins entendent. Ouais, donc tu sens ton micro quand les enfants sont couchés. Oui, je... essentiellement. C'est très bien. Tu verras, elle est petite, toi, on s'en encore. Quand ils sont plus grands. On n'a pas le choix, il faut attendre. T'as raison. Alors, quelles sont tes chansons préférées, Jarel, par exemple? Alors, moi, j'aime bien Extrême. J'aime bien. Elle est super. Tainted Love aussi. J'aime bien Mad World de Tears for Fears. Voilà. L'Ips, c'est essentiellement anglais, hein, de toute façon, oui, vu qu'on a une politique en France qui fait que de toute façon, il est très rare d'avoir des jeux de karaoké. Enfin, tu ne peux pas avoir de jeux de karaoké ou alors très peu avec des chansons françaises parce que droit d'auteur, etc. Tu peux pas. Voilà, c'est con, mais c'est principalement à cause de ça que t'as quasiment aucune compilation avec des musiques françaises qui sont sorties sur l'Ips, sur SingStar et encore SingStar. Heureusement, il y a. On est beaucoup sur des musiques assez récentes, quoi, c'est du Christophe Maé et trucs comme ça. Oui, mais c'est du Sony aussi, donc. Ouais, c'est vrai, alors, exactement, t'as raison. On attendait tous une compile, je sais pas, moi, spécial Goldman ou Téléphone, un truc qui bouge et Francky Vincent. Ouais, voilà. Franchement. Attends, si t'as envie de rigoler avec un micro dans la main, il y a ça. Donc, je valide. Voilà. Moi, je suis aussi un grand fan de jeux de karaoké. Je les ai tous d'ailleurs. Ouais, moi aussi. Ah les mecs, on est bien là, on est bien. Donc c'est vrai, donc c'est vraiment sympa. Et autre plaisir coupable, donc c'est effectivement un truc que là où je jouais tranquillement chez moi quand j'étais tout seul, c'est Dead or Alive Extreme Beach Volley sur Xbox 1. Ah mais ça, Ron va te rejoindre, je crois. Tout seul, oui, c'est sûr. Voilà, alors curieusement, je trouvais que le bon pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on joue Beach Volley. avec seulement les personnages féminins de Dead or Alive qui sont tous avec des poitrines assez avenantes, on va dire. Presque toutes, et donc on joue, y a un Beach Volley qui est quand même assez sympathique. J'aurais bien aimé qu'il y ait un mode coopératif à deux, vu que c'est du 2 contre 2 à deux dans la même équipe, c'était sympa, mais qui était assez solitaire, hein. Ouais, clairement. C'est un peu louche, j'irais pas jouer avec toi, je t'avoue, quand même. Qui était assez bien fait, et donc tu débloquais des nouveaux maillots de bain, de plus en plus petits. De plus en plus petits. Et puis après, tu pouvais amener ces gentes d'âme au sauna ou dans les bois ou autour de la piscine. Et puis, elle s'offrait des cadeaux, elle canait et tout. C'est qu'à, mon Dieu. Elle mangeait des glaces. Oh putain. Voilà. En DLC, il y avait du parfum, t'avais noix de coco, vanille fraise, la classe. Des trucs exceptionnels. Moi, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un DLC Saints Row 3. Oh putain. Mais en plus, il y en a un nouveau qui a été annoncé sur PS4, je crois seulement au Japon. Donc, là, je pense qu'ils vont se lâcher aussi chez Tecmo sur Dead or Alive. Oh non, mon Dieu. Bah, c'est un jour que j'ai joué 5 minutes. J'ai pas réussi par contre. Mais parfois, ça suffit chez certains pervers, 5 minutes. Hein, mais bon, là, je suis pas allé plus loin que ça. Quoi. Non, mais le jeu de volley, intrinsèquement, enfin, c'est pas mal. Le jeu de volley était pas mal du tout. Bah, tu jouais 10 minutes toutes les 3 heures, quoi, en gros. Bah non, les séances de string, etc. T'étais obligé de jouer pas mal pour débloquer les maillots de bain les plus chers. T'étais obligé, quoi. Les maillots de bain les plus chers. Elle était chère, la ficelle, hein. Ah oui, la ficelle est chère, la vache. Les pinces tétons. C'est comme dans les MMORPG, quoi. C'est les armures qui couvrent le moins qui sont les plus chères. Voilà, c'est un peu le MMO, mais du bikini, quoi. Voilà. Donc c'est... Et voilà. Ok, donc Dead or Alive Extreme Beach. Donc on a fait Lips. Oh non, on a fait Dead or Alive. Biche. Ma plus de biche, oui. Ma biche. Désolé. J'avais dit que je ferais pas d'imitation. Et donc, est-ce que tu as un troisième jeu, Jarel? Alors, troisième jeu, j'hésite entre deux, mais c'est un coup de cœur qui a été très très mal noté, qui est vraiment un jeu, peut-être un des jeux les plus pourris sur Xbox 1, qui s'appelait Galéon à l'époque. C'est un jeu de pirate. Ouais, c'est un jeu de pirate qui a été élaboré à l'époque par Toby Gard, qui est l'un des créateurs ou le créateur de Lara Croft, de Tomb Raider. Et c'est sa première expérience solo qui s'est plutôt super mal passée, vu que le jeu a été c'est vraiment un jeu de garage. Ils sont 5 dessus. Quand tu vois les crédits à la fin, tu vois le mec, il a fait la musique, les graphismes, l'animation, c'est le même, quoi. Et donc ce jeu de garage, il a commencé d'abord sur PSE. D'abord sortir sur PS1, puis après, bon, vu qu'ils ont mis un petit peu de temps à le sortir, il était prévu sur Dreamcast, et puis vu qu'il a mis un petit peu de temps à sortir, finalement il est arrivé sur GameCube pour en fait sortir vraiment sur Xbox. Quelle galère! Quelle galère! Bon, techniquement, c'est un style. On va dire que c'est un style, et c'est surtout au niveau maniabilité où tu as le seul stick. Tu diriges gauche droite, et puis après tu avances en mettant le stick vers l'avant. Ça paraît bizarre au début, c'est très particulier, et puis finalement c'est nickel. Le mec saute partout, il peut vraiment monter partout sur les dos des monstres, grimper sur tout un tas de c'est une action contextuelle, en fait. Il avance, il se trouve devant devant un obstacle, c'est et il franchit en fait, rapidement. C'est un toc sur le mec, il est petit, il grimpe dessus, quoi. Voilà. Un petit peu. surtout et n'importe quoi. D'accord. Et c'est vraiment bourré de bonnes idées. Ça a côté référence à ça, le 7e voyage de Sinbad, mêlé à du jeu de pirate. Donc c'est vraiment kitsch. Il y a plein d'idées. C'est bourré de très très bonnes idées. Les îles sont assez grandes. On peut vraiment grimper partout. Et moi, certes, il était moche à pleurer, mais je me suis régalé dessus et je le regarde encore avec une larme à l'œil, voilà, encore aujourd'hui. Et j'ai suis même allé jusqu'à l'époque de la Xbox de m'acheter la version américaine, la version US et la version. Dis donc. Je te signale qu'à cause de toi, t'avais fini par me convaincre, hein, pour que je le prenne. Oh merde. Moi je cache pas, je t'en ai un peu voulu. Oh putain, moi aussi j'ai la larme à l'œil, mais c'est en regardant les graphismes sur Google Images. Comme dirait Jarel, pour être poli, dit c'est un style. Voilà. Mais il y a plein. Moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. D'accord. J'en garde. C'est très moche. Il y a quasiment que très peu de personnes sur Terre qui pourront y jouer. Mais moi j'ai beaucoup aimé. Donc tu as réussi à passer outre et à découvrir la beauté intérieure de ce titre. Voilà. C'est son petit cœur de pirate. Mais voilà. Oh, ça c'est C'est magnifique. C'est beau. On est vraiment dans le plaisir coupable et cette vanne est typiquement dans le contexte. C'est magnifique. Donc, comme tout à l'heure, je vais enchaîner vite fait les miennes. Moi, c'est, j'en avais déjà parlé à l'époque où je suis allé sur la case rétro Morphix, qui est un jeu dégueulasse, qui est un jeu tout vert. C'est un jeu qui est vert. Voilà, la jaquette est verte, le jeu est vert. Donc, on joue comme une espèce de remake de la mouche. Où on joue une espèce de mec qui se fait, je sais pas, piquer, ou je sais plus ce qui s'est passé, mais il se transforme en bestiole, en fait, au fur et à mesure du jeu. Donc, il acquiert en même temps des pouvoirs assez arbitraires, mais il se transforme en espèce de monstre dégueulasse. Et, moi, j'ai toujours l'image incroyable, parce que je suis allé au bout. Je l'ai fini, ce jeu. Du boss de fin, où c'est, t'as l'impression d'avoir un enfant qui saute sur deux pieds, et je tourne autour, et je lui tire dessus, et il ne fait rien. C'était absolument incroyable, Morphix. Enfin voilà, c'est un jeu tout vert. Donc si tu aimes le vert, si tu aimes ça, si tu as la main verte, si tu aimes le jeu en vert, voilà, si tu aimes Flubber, tu peux jouer à Morphix. Donc Rogue Warrior, j'en ai parlé. Splatterhouse, le remake. Moi j'aime beaucoup. Je vais être honnête avec vous. Je sais que c'est le remake. Ouais, c'est con comme la lune. Mais c'est gore, il y a des musiques heavy metal de ouf, et du coup je tabasse tout le monde avec leurs bras, je ramasse tout ce qui traîne et je les fracasse, et c'est plein de défauts. Mais moi j'ai réussi à m'amuser dessus, c'est complètement bas du front, mais c'est typiquement le genre de jeu qui permet de me détendre avant de jouer à autre chose. Donc voilà, moi j'aime beaucoup Splatterhouse, vous pourrez m'insulter dans les commentaires, mais moi je trouve que c'est plutôt sympa, j'ai pas trouvé ça laid du tout. Et le côté Jason bodybuildé, moi j'ai trouvé ça plutôt chouette. Avatar, rappelez-vous, l'adaptation du dessin animé. Donc moi j'ai eu honte 5 minutes, le temps de faire 1000 G, et après je l'ai ramené. Il y a eu un dessin animé Avatar, tu sais, le maître des éléments là, je sais plus comment, avec le petit chauve là. Et donc le jeu permettait de débloquer 1000 G en 5 minutes. Donc du coup j'ai pris le jeu et je l'ai fait en 5 minutes, c'était génial. Et je vais parler aussi vite fait du Punisher. J'ai bien aimé l'adaptation sur Extreme Xbox. Beach, je crois que tu peux faire 1000 G aussi, mais c'est un peu différent. Ok, c'est dégueulasse. Ok, mais faut être nombreux, hein. Mais j'ai pas donné le nom de cette manifestation, mais on a tous très bien compris le principe. Donc le Punisher qui est un jeu d'action à Max Payne, mais il y avait en plus des séances de torture avec des perceuses, avec tout ce qui traînait, donc c'était plutôt chouette. Ça me revient. Ouais. C'est mille fois mieux que le film de merde avec John Travolta. Donc si vous voulez jouer au Punisher et vous amuser, on le trouve un petit peu. Enfin, il est sur Xbox, c'est PlayStation 2, peut-être sur PC, je ne sais plus. C'était fait par Volition d'ailleurs, les mecs qui ont fait les Saints Row. Et donc c'est chouette. Voilà, c'est un jeu ultra bourrin qui me correspond parfaitement. Donc voilà, mes plaisirs coupables à moi. Attends. Oui. T'as pas parlé de flirt entre amis là. Mais j'ai pas. Pourquoi je parlerais de petits flirt entre amis? Je sais pas, t'avais l'air de bien connaître le sujet la dernière fois. Ah oui, bah disons que c'est pas un jeu que j'ai joué, mais je sais que tu peux mettre des petites fessées, donc je sais pas pourquoi tu me traînes dans ce terrain-là, alors que tu viens de parler d'une manifestation à plusieurs. C'est un peu, les gens ont compris vers quoi tu veux m'amener. Mais je dirais non, monsieur, je ne viendrai pas chez vous après l'émission. Eh ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Ça me semble plutôt pas mal, et donc on va glisser tout doucement vers la partie un petit peu plus freestyle de l'émission. Donc on plonge tous ensemble dans le deuxième niveau. Ah, on se détend. On est dans la zone libre du jeu vidéo. Alors deuxième niveau, le principe, on va quand même l'expliquer. Donc là, on a pris le temps de faire un petit dossier. Ça sera le cas à chaque émission. Vous aurez toujours un dossier principal, ce sera la priorité de l'émission. Et dans la deuxième partie, on va décompresser. Bon, même si là, c'était plutôt cool, hein, les amis. On a parlé un petit peu des séries B, de nos plaisirs coupables. C'était plutôt rigolo. Mais on essaiera de faire de temps en temps quand même des sujets un petit peu plus sérieux, histoire de débattre vraiment. Alors aussi avec vous, parce qu'on vous proposera les sujets de l'émission un petit peu sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc., etc. Donc on essaiera de faire des choses un petit peu plus complexes dans l'avenir. Et donc la deuxième partie de l'émission, donc le deuxième niveau, c'est un truc un peu plus libre. Donc là, chacun amène son petit sujet, alors soit d'actualité, soit une critique, soit on peut faire même des critiques de films, etc., liées toujours aux jeux vidéo, de bouquins, etc. Donc on va traiter avec Matt de Rocket League, donc un jeu sorti sur Steam et PlayStation 4 pendant... D'ailleurs, il était offert sur PlayStation 4, ça a vraiment permis au jeu d'exploser, de se faire connaître par rapport à Twitch, etc. Donc Matt, c'est un jeu qui t'a tapé dans l'œil. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Rocket League? Effectivement, donc parfois dans la vie, il y a des mélanges inattendus qui donnent des choses fantastiques, genre les tentacules et le porno, les chips et le Nutella. Et ben là, c'est le foot et les jeux de voiture. Comment dire ? Rocket League, j'ai refait quelques parties donc cet après-midi pour préparer l'émission. Et tu vois, je jouais et je me suis dit sagement, allez, je m'arrête pour écrire des trucs. Je vais quand même travailler la petite critique. Et puis, tu sais, allez, juste une dernière partie. Bah oui, allez. Puis c'était cool, j'ai mis plein de buts, du coup j'ai eu envie d'en refaire une petite. Allez, encore une. J'ai clairement fait de la merde, du coup j'ai voulu me rattraper dans une autre partie, et clairement j'ai pas bossé là. Et voilà pourquoi il écrit au fur et à mesure de l'émission, ce petit salopard. Non mais sans déconner, effectivement c'est quand même un petit jeu qu'on trouve sur Steam à pas trop cher, donc 19,99€. En même temps, plus cher, ça serait... Bah, ça c'est serait cher pour les jeux PC, non, Matt? Les joueurs PC, ils n'ont pas l'habitude de payer 20 euros. Sort à ce prix-là, c'est possible. Dans 6 mois, il est à 5 euros, donc tout va bien. Exact. Donc effectivement, comme tu l'as dit, il a été carrément offert aux adeptes du PS Plus, ce qui a vraiment boosté la carrière du jeu, et parce que clairement, il aurait pu passer inaperçu autrement. Alors oui, il y a eu des problèmes de serveur au début. Ouais, c'est pas grave ça. Oui, ce jeu ne propose pas grand-chose de plus que rouler derrière un ballon. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon et qu'est-ce que c'est bien fait surtout. Ce qui apparaît très clairement, c'est que c'est un jeu facile à comprendre et difficile à maîtriser. Yeah. Le gameplay, il est tout con. Tu peux accélérer, freiner, tu as un saut, un double saut. Ça te permet de te balancer gaiement sur le ballon ou sur tes adversaires. Et en plus de ça, tu as des boosts qui sont disséminés un peu partout dans les arènes, ce qui permet de donner le coup de rein nécessaire aux beaux gestes. Donc clairement, tu vois dès le début plusieurs paliers de progression. Le premier, c'est bien maîtriser sa caisse et éviter de la balancer n'importe où en visant le ballon, mais en atterrissant à peu près. Viser le ballon malgré la taille, c'est pas évident. C'est ça, exact, parce que le ballon est quand même assez énorme. Le deuxième palier que je commence à entreapercevoir, c'est maîtriser les sauts. Je vois des mecs faire des choses absolument folles dans les airs, mais je sais pas si vous avez fait le tutoriel. Ça si, nous si, laisse un peu entrevoir. Effectivement, à un moment, ça nous amène à aller choper un ballon dans les airs en jouant sur le boost, justement, qui peut nous permettre de nous propulser de façon aérienne, on va dire. Il y a même un double saut, je crois, hein, non? Ouais, c'est ça. Et franchement, je vois des mecs faire ça. Je commence à mon niveau à voir des mecs faire ça en match, mais t'as l'impression que carrément, même t'as l'impression qu'ils trichent. Hein. Mais tu sais, Matt, ça me fait penser. Alors moi, c'est ma soirée anecdote. Hein, c'est parti. Ça me rappelle. Tu sais, comme quand tu vas à la patinoire et que tu commences à être à l'aise, tu commences à lâcher le bord. Et là, t'as un petit gamin qui passe à côté de toi et qui fait un triple loot. C'est là, tu te dis putain, faut encore que je m'entraîne. Bah, c'est un peu ça, en fait. Rocket League, c'est que tu te crois commencer à maîtriser le truc et d'un seul coup tu vois un ralenti avec un mec qui plonge, qui saute, qui virevolte avec sa voiture et qui fait une espèce de reprise de volée acrobatique avec sa roue et tu te dis putain quand même quoi. Mais c'est clair et franchement, mais ça c'est vraiment très très gratifiant de se sentir progresser parce que malgré tout ça vient quand même très vite. Dès quelques heures de jeu passé, tu commences à faire à peu près moins n'importe quoi et à te sentir utile dans ton équipe. En plus de ça, donc tu vas avoir plusieurs modes de jeu qui sont disponibles. T'as le 1 contre 1, le 2 contre 2, le 3 contre 3. Et pour entretenir le plaisir, tu vas avoir aussi des personnalisations du véhicule que tu vas pouvoir débloquer avec les heures de jeu. Donc c'est uniquement cosmétique, pour ceux que ça pourrait inquiéter. Bien évidemment, tu as le jeu multi, qui est dispo même en local. Ça, c'est beau, ça. C'est là que le jeu prend évidemment... encore plus de sens. Mais tu te rappelles les claques dans la gueule qu'on se mettait dans les jeux? Là, c'est vraiment typiquement le genre de jeu fait pour le canapé ou le plaisir immédiat, quoi. C'est ça que, comme j'ai entendu dans le podcast Silence on joue, ils ont raison, c'est un créneau qui n'était pas pris du tout. Le plaisir multijoueur simple, il y en a de moins en moins. Ouais. C'est toujours très compliqué. Sur PC, Ouais, sur PC, mais tu sais, moi, je joue sur console, malheureusement. Le problème du PC, c'est qu'il n'est pas devant le canapé. Oui, on est d'accord. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça va bientôt arriver grâce au Steam Link. Voilà, qui c'est vraiment sur la télé. C'est vrai, ça va commencer à arriver fin d'année, je crois, le Steam Link. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment typiquement le genre de jeu qui fait du bien d'avoir un vrai jeu multijoueur simple à maîtriser où tu peux t'amuser tout de suite et pas te prendre la tête ou te faire défoncer la gueule tout de suite ou même si tu te prends des buts, tu t'amuses. C'est vraiment un jeu où tu t'éclates dessus, même si t'en as rien à foutre des bagnoles et même si t'en as rien à foutre du football, c'est un jeu où tu t'éclates vraiment tout de suite. Moi, je l'ai pris quand il est sorti justement sur PlayStation 4 et j'ai fait vraiment pas mal de parties et je me suis éclaté, quoi. En quelques secondes, tu prends le truc en main et t'arrives. Tout de suite, au début, c'est énorme, mais tu t'amuses. Tu t'amuses immédiatement. Et ça, c'est vraiment génial. Le fait de pouvoir, donc t'as les stats qui sont en arrondi, c'est-à-dire t'as les angles sur le côté, le ballon va rebondir vraiment dans tous les sens et tu peux faire mais des trucs de fou. Et en plus, t'as envie de faire des trucs de fou. T'as envie de sauter, de mettre des coups dedans, de passer la balle. Des fois, tu t'as t'as des systèmes de centre, mais c'est incroyable. La précision de certains mecs pour, dans le jeu, c'est complètement fou, quoi. Donc tu sais que tu peux vraiment t'améliorer progressivement et le jeu est vraiment intéressant rien que pour ça, quoi. Donc, je suis d'accord avec vous. Ça me fait penser un petit peu à Idarb qu'on avait, qui était offert sur Xbox One, qui est un jeu multi-local où, franchement, je l'avais pris, j'avais essayé, je me dis, c'est quoi cette ânerie? Et un peu comme tu dis, Matt, j'ai relancé le jeu avec... en fait, j'ai vu mon gamin y jouer avec un de ses copains. Ça faisait 2 heures qu'ils étaient dessus. J'ai pris une manette aussi. C'est vrai que c'est cool, Idarb. On a repassé un temps, mais infini là-dessus. Et ça me fait penser à ça, parce que Idarb, c'est aussi un truc, sauf que là, c'est du basket plus. Enfin, du basket, si on veut dire. Du basket plateforme. Ouais, ça me fait un petit peu penser à du handball, mais acrobatique, Idarb. Basket plateforme, on va dire. Et c'est vrai qu'Idarb, t'as raison, c'est un peu le même style de jeu. En plus, bon là, c'est du pixel art plus, mais... vas-y, Matt, termine ta critique. Bah non, mais tout ça pour dire qu'effectivement, donc Rocket League, en plus, va continuer sa carrière quand même particulièrement étonnante et inattendue en s'ouvrant sur le e-sport. Yeah, le e-sport. Et je trouve ça, en fait, super malin, parce que les parties, bah, c'est du format 5 minutes. Ouais. Donc c'est très très dynamique et t'as pas le temps de t'ennuyer et t'as vraiment l'expérience aussi du team play parce que évidemment là pour l'instant tu joues avec des mecs un peu trouvés au hasard sur les serveurs mais tu peux vraiment avoir une répartition des rôles entre une personne qui va jouer plutôt la défense, des personnes qui vont jouer plutôt l'attaque et je pense que franchement moi j'ai très envie d'en voir à haut niveau en tout cas. Ouais, je pense qu'il y a un côté technique et spectacle qui peut très bien se faire dans une compétition, clairement. Pourtant, je regarde vraiment pas d'e-sport, mais ça, vraiment, je suis très très curieux d'en voir. Ouais, t'as une ambiance de fou. Bah, écoutez, ouais. Rocket League, en tout cas, je vous conseille, et Matt, vous l'avez vu, il a adoré, et vous le conseillez aussi, donc sur PC, sur PlayStation 4, sur un canapé, ou devant un écran, vous pouvez jouer en ligne ou avec des potes, et ça, c'est quand même génial. Donc, on vous le conseille à 20€ environ sur les deux machines. Je vais donner... En tout cas, vous nous avez donné envie d'essayer. Là, bah écoute, ça fait plaisir. Et je vois qu'ils sont pas fermés une sortie sur Xbox One, PS3 et 360. Non, je pense qu'il est parti pour conquérir le monde, ce jeu. Oui, là, je crois qu'ils sont, sont partis, là. Là, c'est bien. Puis, honnêtement, tant mieux que ça s'ouvre un petit peu sur toutes les machines. En plus, je crois qu'il est jouable en crossplay, je sais plus. C'est Steam et PS4. Ça se trouve, j'ai une grosse connerie, mais c'est pas grave. on va passer à Forza. Tu peux dire si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, mais là je pense que je me trompe complètement. Forza 6, Rhône. La série revient donc après un premier épisode sur nouvelle génération un peu plus vite, un peu comme d'habitude, hein, dire ça débarque sur une nouvelle machine. On va dire on essuie les plâtres et la vraie version sort 2 ans après. Et il semblerait que tu aies bien kiffé. Ouais, je viens retoucher 2 mots. Alors je vais pas en faire des caisses sur Forza 6 parce que je me suis fendu d'un test particulièrement long et hyper complet, que quelqu'un vienne me dire le contraire juste pour voir sur Xboxygène. Donc j'ai déjà dit un peu tout ce qu'il y avait à dire, mais dans le cadre d'un test on va un peu chercher la petite bête, donc je suis allé chercher aussi en gros ce qui manquait, ce qui n'était pas encore parfait dans ce jeu là mais là j'ai pas tellement envie de parler de ça concernant Forza 6. J'ai juste envie de dire en fait un message un peu le même que Matt. Moi Forza 6, c'est la première fois que ça me fait ça sur un jeu de bagnole depuis bien longtemps, ben c'est juste du fun. Je fais une partie et puis après je dis ben je pense que je peux améliorer ce chrono, je vais en refaire une. Et puis après je fais ah merde, je suis sorti dans le 3e virage, je peux faire mieux, j'en refais une. Et tu te bats et tu crois que t'es fort et là tu vois les temps que font les autres mecs. C'est comme les reprises de volée de Rocket League quoi. Et tu te dis mais comment ils font? C'est pas possible. Et voilà, Forza 6, pour moi, c'est un vrai succès. Il est super fun. J'attends avec beaucoup d'impatience que tous les gens que je connais puissent l'avoir parce que ça sent le jeu que j'ai vraiment envie de jouer en ligne. Quoi. Et ça a combien en ligne déjà? C'est une vingtaine? 24. 24. 24, il y a moyen de. Et c'est pas un jeu où t'as un petit retour en arrière permis? L'erreur n'est pas permise? Si tu veux, ça dépend de la façon dont tu joues, mais. Ah, mais t'es un puriste. En carrière, peut-être qu'il y a le retour en arrière, mais quand on chasse les chronos qu'on fait les copains, là, ça compte plus, le retour en arrière, bien sûr. Le retour en arrière, c'est pour des gens comme moi, tu vois, les gros mauvais qui, en ligne, vont avoir rentré dans le pare-choc de tout le monde et énerver tout le monde. Alors, je vois tout à fait. Voilà, je suis le bourrin, moi. Vous savez, Destruction Derby, c'est pour moi. Moi, je joue pas à Forza, moi. J'énerve les gens sur Forza. Non, franchement, Tu peux. Moi, je suis pas un très bon joueur non plus, mais je trouve que. Ah, je peux te rentrer dans le derrière. Bah ça ouais. Ça te dérange ils ont, pas. Ils ont retrouvé ce qu'ils avaient fait la force de Forza 4. Hein. Et moi, j'ai un derrière blindé. Tu peux y aller avant de rentrer dedans. c'est à la fois hyper fun et hyper technique. La démo déjà, enfin moi j'ai joué un petit peu la démo, je teste même les jeux qui m'intéressent pas forcément comme les FIFA, les PES et tout. Et c'est vrai que Forza, bah déjà il est très très beau, honnêtement. C'est un des rares jeux de bagnole où je vois pas trop d'aliasing sur les caisses, à part un tout petit peu forcément. Mais je trouve que c'est un jeu déjà qui est magnifique, il y a une vraie patte graphique je trouve, qui fait pas forcément dans le réaliste absolu et qui est plutôt sympa. Au niveau du visuel, il y a un gros travail sur les... Moi j'aime beaucoup Forza Horizon par exemple, donc ça c'est... Là ça me parle beaucoup plus. Mais c'est des jeux qui déjà en termes d'esthétique et de plaisir de bagnole, je pense que je comprends pourquoi les fans de bagnole adorent ça, parce que c'est le Forza machin là, pour voir dans les bagnoles, le Forza truc. Forza Vista. Forza Vista. Tu rentres dans la bagnole et tu touches ton levier de vitesse, le volant, tu regardes comme il est beau, c'est génial, mon volant il est magnifique. Et non, c'est pour les puristes c'est cool, parce que vraiment les bagnoles sont modélisées à la perfection. Magnifique. Donc on s'amuse sur Rocket League, on s'amuse sur Forza 6, mais est-ce que l'on s'amuse sur Magic Duels Origins? Jarel et Matt aussi un petit peu, je crois qu'il y a joué, donc mais Jarel veut commencer. Voilà, oui. Alors moi je suis un bon joueur de Magic. Bon, je fais pas les tournois, mais je joue régulièrement avec des copains. J'y ai replongé dedans en essayant de d'intéresser mon plus grand. Maintenant c'est moi qui joue. Et ouais, bah ouais, c'est ça. Donc j'ai fait tous les jeux vidéo qui sont sortis sur Magic en partant du 2012 jusqu'à celui-ci, donc il y a un free to play. Donc super. Oh, c'est génial. Et oui, c'est le mal. Et d'un certain côté, je partage un petit peu ça parce que quitte à y jouer, je préfère mettre de l'argent mais avoir quelque chose de convenable à l'intérieur. Alors Magic Duel Origins, toutes les cartes, en fait, c'est pas du pay to win là. Toutes les cartes peuvent être en fait débloquées petit à petit. Alors, certes, sur le papier, c'est intéressant, c'est sympa. Sauf que les cartes à débloquer, tu t'achètes des boosters pour assez cher, c'est 150 pièces d'or, sachant que bon, t'en gagnes à peu près, t'en gagnes 15 si tu gagnes un match au niveau difficile en solo, et si tu gagnes une partie en multi, tu gagnes 20 pièces d'or. Donc tu vois, il te faut faire une bonne dizaine de matchs en gros pour pouvoir débloquer un booster qui te débloque 6 cartes, dont une rare et d'autres plus ou moins pourries. C'est un jeu qui, comme tous les free-to-play, se base sur la frustration du joueur. On n'aime pas ça, nous, la frustration. Non, c'est pas... C'est Poitain avec Dead or Alive, Extreme Beat. T'as la frustration. Là aussi, tu peux regarder les cartes de prêt, tout ça, tu peux zoomer, c'est sympa. Tu peux leur mettre des strings à tes cartes ou pas du tout? Non, même si elles sont très fines sur le côté. D'accord. Magnifique. Donc sur le principe, c'est intéressant, surtout que pour les petits nouveaux, il y a quand même un mode de création de deck qui est très assisté, ouais, même trop assisté, je dirais, parce que pour tu as des défis que tu dois faire pour gagner un petit peu plus de pièces d'or que tu dois faire rien qu'avec ces decks-là, et ces decks-là, tu ne peux pas vrai, tu choisis, en fait, il t'impose un choix parmi un certain pool de cartes, et il t'impose d'avoir 24 terrains, que tu peux pas choisir de les réduire plus ou moins, donc t'es obligé de partir avec 24 terrains, sachant que quelquefois, bon, c'est inutile. Donc voilà, c'est de la frustration. Moi personnellement, alors que j'avais déjà critiqué le précédent qui était sorti, qui était Magic 2015, parce que c'était du pay to win, où tu payais ta version, mais en plus tu devais payer une sorte de DLC, des boosters, tu payais des DLC pour avoir de nouvelles cartes ou autres, ce qui évidemment induisait que ceux qui payaient étaient plus avantagés que ceux qui payaient pas. Alors pour des matchs en ligne, c'était pas génial. Là, côté équilibre, c'est bien. Tu retrouves le 3 à la 2 tête, mais par contre, il est moins complet et moins fun pour l'instant que le Magic 2015. Est-ce que c'est aussi accessible qu'un Hearthstone, par exemple? Quelqu'un qui aime bien les jeux de cartes à la Hearthstone, il peut se lancer comme ça sans connaître forcément les vraies cartes Magic, ou c'est complètement bloqué à ce niveau-là? Non, c'est très très accessible. Hein. Et je dirais même que c'est l'épisode le plus accessible de la série, sachant qu'il y a quand même une grosse aide à la pour monter ton propre deck au début. Donc ça te permet vraiment de faire ta main, de pouvoir commencer tranquillement. Et vu que Hearthstone est un petit peu basé sur les principes, sur la mécanique de Magic, on retrouve rapidement ces cartes. Les deux sont aussi addictifs, même si en mode free to play, Hearthstone a quand même une longueur d'avance. C'est quand même mieux foutu. Alors avant de laisser la parole à Matt, je voulais quand même demander, est-ce que tu avais joué à la version SingStar ou pas de Magic? Non. Non, t'as Magic, pas joué Magic System. Ça valait le coup. Hein. Je peux vous dire que au début j'osais pas. Je me dis allez j'ose pas, puis je me dis allez c'est plaisir coupable, je me lance complètement. Donc je vais aller bouger ailleurs et je vais demander à Matt si ce qu'il en pense justement de Magic Duel Origin. Est-ce qu'il est un peu d'accord avec toi? Est-ce qu'il est frustré? Est-ce que c'est un jeu qu'il conseille justement aux joueurs qui voudraient se lancer là-dedans? Bah oui, je suis très d'accord parce que Magic c'est quoi? C'est des éditions de cartes qui sortent depuis c'est quoi? C'est 1992, quelque chose comme ça. Les premiers oui, mais on va dire que il y a quand même un pool de cartes quand même assez énorme, c'est de base. Ouais, mais effectivement c'est le jeu de la frustration dans le sens où t'en débloques vraiment petit à petit. Et autre chose dont t'as peut-être un peu moins parlé, moi ce qui me choque beaucoup, mettant de façon assez importante mis à Hearthstone, c'est l'interface, quoi. L'interface, c'est d'une pauvreté et d'une c'est absolument c'est cheap, c'est dégueulasse, quoi. C'est très très chiant, quoi. C'est très sobre, oui, effectivement. Mais ils ont jamais été bons au niveau de l'interface. L'interface en fait dans le jeu même, c'est sobre, c'est clair, c'est lisible. Il y a mon fils qui a essayé il y a pas longtemps Yu-Gi-Oh, la version sur Xbox One. J'ai retenu ma critique derrière lui parce que lui semblait aimer ça, mais là c'est vraiment moche. Là, ça m'a pas particulièrement. Ouais, Yu-Gi-Oh! Et on se fout de ma gueule avec Magic System, ouais, putain. Donc voilà, mais c'est vrai qu'au côté interface, c'est moins fun, c'est moins avenant que Hearthstone. Ouais, moi c'est principalement ça qui me fait mal. Après, je trouve que t'as pas un pool de cartes assez important au début pour te donner l'impression que tu vas réussir à vraiment faire des choix et vraiment personnaliser ton deck. Après, voilà, moi je me suis lancé dans d'autres trucs comme Hex, Hearthstone, Scrolls. Et effectivement, je peine à retrouver l'inventivité de ces nouveaux jeux et j'ai l'impression que Magic prend de plus en plus la poussière, quoi. Et je trouve ça très triste, hein, parce que j'adore. C'est que, en fait, je trouve que dans leur version digitale, le principe d'avoir des decks qui étaient pré-imposés à la base était quand même assez, enfin finalement peut-être pour qu'ils s'y retrouvent, parce qu'il faut qu'ils vendent des cartes aussi, hein, n'était pas si mauvais que ça, dans le sens où tu avais quelquefois de bons decks sympas où tu débloquais 80 cartes, mais bon, il fallait que tu réduises, il fallait que tu enlèves le superflu pour arriver à un pool de 60 qui fonctionne bien, qui était assez sympa. Là, le fait automatiquement de mettre le côté de couler collection, donc débloquer des boosters, les ouvrir, regarder les cartes ou autre, ça fait que finalement tu pars avec des cartes qui ont quelquefois assez peu de synergie, ou alors où tu retombes toujours sur la même synergie entre elles, etc. Alors que la richesse du jeu à côté de cela est nettement supérieure par rapport à ce que te propose le jeu digital. Mais je suis assez d'accord avec toi, mais par contre cette argumentation elle vaut pour moi pour Magic the Gathering Online. Vraiment la version où t'achètes les paquets. T'achètes les paquets digitales au même prix que les paquets réels. Exact. Et moi, j'ai vous avez vu ce que ça fait version... quand vous laissez parler deux geeks ensemble pendant plusieurs années. On va finir rapidement, mais moi j'aimerais une version de Magic où t'as accès à toutes les cartes et point final, quoi. Je rêve de ça, quoi. Moi, je joue à Belote Android sur mon téléphone. Parfait. Non, c'est bien, c'est à ton niveau. J'ai toutes les cartes directement. Il n'y a même pas un pack pour avoir le valet, tu vois. Tu l'as direct. Voilà, le jeu vidéo, c'est comme ça, c'est 10 minutes intéressantes pour 25 minutes de conneries. Merci, Ro. C'est génial. C'est génial. Il fallait que je le fasse. Désolé, c'est un toc aussi. C'est comme le mec de Galéon qui grimpe partout. Moi, je suis obligé de faire des imitations à deux balles. Alors, je vais vous laisser conclure, messieurs, sur Magic Duel Origin. Est-ce que vous le conseillez ou pas? Vu que c'est un free-to-play, de toute façon, ça mange pas de pain. Hein. Si après on apprécie, autant se faire un petit plaisir en prenant une ancienne édition à pas cher. Et là, on aura de quoi passer pas mal de temps, ou alors vraiment aller dans quelque chose de beaucoup plus généreux avec des copains, se remettre à Magic, mais faut faire attention. D'accord. Donc si on aime Magic, on peut tenter Magic Duel Origins. Oui. Très bien. Alors on va enchaîner, alors je voulais quand même, il y a toute transparence dans ce podcast, attention. Donc j'ai dit à chacun qu'on pouvait amener son sujet. Bien sûr Ron qui est là, qui fait un peu n'importe quoi, le mec il me met quoi? Il écrit « Wes Craven est mort ouais. ». D'accord Ron, mais c'est pas un podcast cinéma. Merde. Attends, Wes Craven c'est pas, on l'appelle le maître de l'horreur maintenant, moi je connais des mecs qui vont faire des critiques de jeux d'horreur. Hein. C'est vrai. Je vais en faire un d'ailleurs. Tu vois. Ah la transition, merci. Mais bon, Wes Craven est mort, paix à son âme. Mais c'est vrai que c'était pas non plus mon réalisateur préféré. Non, moi non plus. C'est vrai. On en parlera peut-être un jour, parce que je vous parlerai un petit peu des projets justement de podcast. Il y a peut-être quelque chose qui se prépare au niveau du cinéma d'horreur, suspense incroyable et insoutenable. On verra tout à l'heure. Donc je vais vous parler moi de ma bonne surprise de ce milieu d'année. Donc c'est une exclusivité PlayStation 4, c'est développé par Supermassive Games, et donc c'est distribué par Sony, et donc c'est Until Dawn. Until Dawn qui est un jeu, alors si on devait résumer très facilement et très légèrement, on dirait que c'est un peu Heavy Rain dans... quel accent américain, je m'étonne moi-même. Heavy Rain dans le monde du slasher. Et bah ça marche très bien. Là où j'avais énormément de réserves sur Heavy Rain au niveau de l'écriture et dans sa volonté absolue de faire du réaliste, Until Dawn lui va jouer sur les clichés du cinéma d'horreur. Et moi ça me plaît énormément. Donc du coup, au début j'étais un peu dubitatif. J'ai franchi le pas. Je le prends, je vais le tester, je vais voir ce que ça donne. Et bien m'en a pris puisque j'ai plongé directement dedans. Même si j'avais lu un petit peu que justement le début est un petit peu mou, ce qui est normal puisqu'on a une mise en place du jeu avec les différents personnages. On a les interactions entre les persos qui vont se dévoiler au fur et à mesure, les petites amourettes d'étudiantes, donc on a un peu la bimbo un peu tarée, on a le playboy, on a le sportif, enfin bref, on est vraiment sur les archétypes ou les archétypes du slasher américain. Et donc ça évolue tranquillement jusqu'à justement donc les fameuses mises à mort qui vont commencer à se faire. Donc on est sur un mélange entre le survival horror où on va diriger le personnage avec le joystick analogique et le jeu d'aventure point and click où on va ramasser des choses dans les niveaux, faire des mécanismes, des petites énigmes. Et on a aussi des phases de dialogue où on aura le choix entre différentes possibilités, entre je sais pas moi être gentil ou réconforter. Et ça va vraiment influencer le développement de l'histoire. Bon, je parle beaucoup, mais c'est un jeu qui vraiment en termes d'ambiance. Alors j'ai plus le nom du mec qui a fait la musique. C'est dommage parce que c'est le mec, je crois, qui a fait Tomb Raider et d'autres musiques, Dead Space aussi. Et ça marche très très bien au niveau de l'ambiance, au niveau des jumpscares, ça marche même mieux que dans un slasher classique, le coup du chat qui surgit d'un seul coup, les gens qui font un bond d'un seul coup derrière un canapé, donc c'est du classique, mais ça fonctionne parce que t'es vraiment pris dedans. Et en plus, cette petite garce de caméra PlayStation te filme pendant ces scènes-là, et donc tu peux te revoir frissonner devant ton jeu. Et c'est le sur le multi de Rogue Warrior ou pas du tout? Le même, exactement le même, mais avec le même bruit. Mais non, franchement, Until Dawn, donc je peux pas trop en dévoiler parce que ceux qui vont y jouer, il faut pas non plus spoiler, donc il y a plein de possibilités, des gens qui peuvent mourir et rester en vie. Donc ça va vraiment jouer sur vos choix, donc ça mélange du QTE, de l'aventure, du survival horror. Je trouve que l'ambiance est réussie, c'est plutôt malin au niveau de certains événements, je trouve, justement au niveau des choix, ça te prend vraiment d'un seul coup. Les moments de poursuite, par exemple, comme dans tout slasher où tu t'es tranquillement en peignoir, ce qui arrive tout le temps, hein, t'es en peignoir chez toi. Et là, t'as un mec qui bondit d'un seul coup, qui t'accavale derrière, là tu cours, tu lui balances des trucs, t'essaies de faire ce que tu peux. Et du coup, des moments, t'as des choix où tu vas avoir le choix logique du slasher, c'est-à-dire aller t'isoler comme un con. Et bah, là, il va peut-être te proposer de faire un petit peu autre chose. Donc, des fois, dans la logique, tu vas essayer de t'aller te cacher bêtement et te faire tuer, alors que tu pourrais te continuer vers une autre porte et le bloquer. Enfin, bref. Donc, ça joue vraiment sur les clichés du film. Ça fonctionne bien, je trouve. C'est plutôt joli. Donc, moi, je vous conseille Until Dawn. J'ai presque terminé le jeu. Je crois qu'il me manque 2 chapitres et je fais un massacre. Quasiment tout le monde meurt. Donc, j'ai même le psy, parce qu'il y a des séquences de psy avec l'acteur, merde, j'ai oublié son nom, qui joue dans Armageddon, qui joue dans Fargo, un mec qui a une tête de psychopathe, enfin à chaque fois il fait des psychopathes, et là il joue un psy, c'est assez particulier. Bruce Willis, Peter Stormare, c'est pas ça? Celui qui a les dents en vrac, là. Ouais, les dents un peu zarbi. Non, pas Steve Buscemi. Il joue pas Carotte dans Armageddon, mais il joue le russe dans la station russe dans Armageddon. Ah, malheureusement, j'ai pas re-regardé Armageddon dernièrement. Tu devrais, ça fait bien marrer. Mais voilà, enfin c'est un acteur qui est très connu. Il y a aussi l'actrice qui joue la cheerleaders dans Heroes, donc il y a des acteurs assez connus dedans et ça marche bien. Donc voilà, moi je vous conseille Until Dawn. Je trouve ça hyper intéressant et je dois dire que ça me fait très envie. Moi je suis amateur de slasher au cinéma, quoi, même très amateur. C'est je me demande, c'est pas le seul jeu PS4 que j'ai essayé à l'E3, Until Dawn. Ouais. J'avais trouvé ça à la fois hyper intéressant sur le principe. Et bon, c'est pas l'idéal sur un salon pour essayer. Voilà ce que j'allais dire, il faut vraiment jouer chez toi tranquille. Voilà, parce que j'avais trouvé ça m'avait donné l'impression immédiate d'être un jeu assez limité dans son intérêt, ses possibilités et même dans sa réalisation, je dois dire. Moi, je pensais que c'était un jeu téléchargeable, un jeu à 20 balles, quoi. Et je trouvais ça intéressant, ça intéressant comme ça. Quand j'ai vu que c'était un jeu boîte, je dois dire que je me suis dit, putain, quand même, c'est peut-être un peu court pour faire un jeu boîte. Et finalement, quand je t'entends parler, je me dis, j'ai bien envie de le faire quand même. Après, en plus, si on sait où on va, je veux dire, on est clairement dans un jeu de slasher. Faut quand même, si ceux qui aiment le slasher le savent, il y a quand même 3/4 des slashers qui sont assez mal écrits, qui reposent un peu sur les mêmes choses. Donc, on a bien sûr des grosses surprises, mais n'est pas qui Halloween qui veut. Mais donc, on est dans la moyenne en termes d'écriture, donc on a des persos intéressants, mais après on est dans un jeu vidéo, donc forcément on va être avec eux pendant des heures et des heures, donc c'est un petit peu plus poussé qu'un slasher classique. Et en termes de mise en scène, du coup, avec les possibilités de caméra libre qu'on peut avoir dans les cinématiques, etc., donc au niveau mise en scène, je trouve que c'est assez nerveux, et au niveau du rythme, vraiment, on s'ennuie jamais à partir de la première heure où ça commence à prendre. Même au début, moi j'ai beaucoup apprécié me balader dans les décors, j'ai même fait plein de photos, justement, je vais essayer de faire une critique peut-être écrite pour voir, et j'ai fait plein de photos super classe en termes de screen, je trouve que niveau rendu ambiance, c'est vraiment chouette. Et j'ai pas pour l'instant d'idée quant à l'identité d'eux ou des tueurs, donc c'est plutôt malin. Et c'est vrai que si on aime le slasher, on peut pas vraiment reprocher des choses comme ça, des choses qu'on ne reproche pas à certains films, par exemple. Ouais. Je trouve que ce serait pas logique qu'on accuse un jeu vidéo qui part là-dessus. En plus, c'est original, c'est une nouvelle franchise, donc c'est assez osé, je trouve, de partir sur un jeu un peu comme ça. Et on peut jouer, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais on peut jouer aussi en mouvement. C'est-à-dire, moi, j'utilise la manette avec les slides pour ouvrir les portes, donc c'est en termes d'immersion, c'est plutôt pas mal. Et moi, je trouve que ça fonctionne, Until Dawn. Matt Jarrell, c'est un jeu que vous aviez suivi un petit peu, Until Dawn, ou c'est pas du tout votre type de titre, Jarrell? Non, j'avais pas suivi, en fait, pas forcément. J'avais regardé ça d'un œil parce que c'est vrai que j'avais été échaudé sur le jeu vidéo qui essaye de faire façon cinéma et qui se plante. Le dernier Tomb Raider, qui devait être une sorte de base de survival, a été pour moi totalement risible et complètement loupé. Donc, si. Ah, il y a des gros problèmes d'écriture comme dans la Tomb Raider. Ça vaut pas grand chose. Quand risible même. Et loupé. Heureusement qu'on est sur un sujet sur la honte, hein, aujourd'hui. Ça sera intéressant. je pense qu'on parlera de Tomb Raider dans les prochaines semaines, parce que le prochain va arriver, donc il y a peut-être matière à faire quelque chose d'intéressant. Mais comme tu dis, en fait, contrairement à Heavy Rain, moi qui m'avait bloqué par rapport à cette volonté de réalisme, là. Alors, qui faisait du entre guillemets du polar à la Seven, mais là du coup qui se prenait tellement au sérieux et qui était tellement maniéré, je trouve, dans la façon de mettre en place le truc, justement, et on s'emmerdait un petit peu, voilà. Donc je trouve que trop de maniérisme dans ce type de truc, il y avait une posture, et je trouve qu'il y a pas de posture dans Until Dawn. Tu sens que les mecs, d'ailleurs faut que je vérifie si les mecs qui ont fait le scénario, c'est des mecs qui viennent du cinéma ou des scénaristes de JV, parce que c'est tu sens que les mecs aiment le jeu vidéo et aiment en même temps le cinéma, et donc on est vraiment dans un jeu. Tu sens que tu joues à un jeu, donc il y a un côté fun, tu t'amuses quand tu joues à Until Dawn. T'as le côté frisson immédiat, donc c'est vraiment de la série B, justement, là, on est vraiment dans la série B, et je trouve que ça fonctionne très très bien. Et en termes de réalisation, c'est un jeu qui vient de la PS3, je crois, à la base, qui devait être jouable au Move, et il a complètement bougé, ça devait être un FPS, et je trouve que le virage a été plutôt bien fait, Et je crois que Matt a raison, je l'avais dit en plus, je crois que c'est bien Peter Stormare qui fait le psy complètement fou dans ce jeu. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est un jeu que je conseille. Matt, donc je t'ai pas demandé, non, bah, tu vois, c'est un jeu. Le problème, c'est que je l'ai suivi comme toutes les exclus consoles auxquelles j'aurais envie de jouer, mais et tu es PC. Auxquelles je ne pourrais pas jouer. Ouais. Donc tu vois, en mettant mes mains devant mes yeux et en regardant finalement d'un œil comme ça que je sors innocemment, mais effectivement. Après, je crois que quelqu'un rentre chez quelqu'un pour violer. Je pense qu'il y a une tentative de viol. C'est ça. Ah, merde. Désolé. Je crois qu'il y a une tentative de viol chez quelqu'un. Non, il faut pas que tu t'excuses, Matt. Hein. Tu fais ce que tu veux chez toi. Il y a pas de problème. Il a enfermé sa femme dans un placard. C'est Marie qui martyrisait la poubelle. Ah oui, il y a pas de problème. Nous, on est là, on ne coupe pas ce genre de détails. Non, bon, ça reste. Voilà. Mais tu m'as suivi dans un Twitch, hein, je crois, sur des Twitch qui étaient censurés par Sony. Je n'arrivais pas à voir le chat, bizarrement. J'arrivais à le voir sur une tablette, ce qui est assez ridicule. Mais c'était un peu bizarre cette situation. Donc j'essayais de suivre au maximum. Mais c'est vrai que du coup, j'étais bien plongé dans le jeu. J'ai fait pas mal de petits bons devant les spectateurs. Et ben voilà, je valide. On attend le dossier screen de la caméra. Il y a aucun problème, il faudrait que j'arrive à récupérer des dossiers plutôt sympathiques. Et ben écoutez les amis, je pense qu'on a un peu fait le tour. Je vais donner quand même un petit mot parce que j'ai pas fini le bouquin, mais j'avais promis que j'en parlerais à la personne qui m'a envoyé ce livre. Ça fait un peu journaliste, tu vois. J'ai reçu un bouquin, tu vois, mec. Alors je vais t'en parler un petit peu. Donc ça s'appelle L'histoire des jeux vidéo polémiques, volume 2, jeux de torture et jeux d'horreur. Donc on est un peu en plein dedans aussi, justement. Et donc c'est un livre qui a été écrit par Benjamin Berger. Et donc qui est sorti chez mon petit éditeur. Donc il y a eu une première version, je crois, sur le sexe que je n'avais pas lu, mais on en avait parlé à l'époque. On avait fait un podcast, rappelez-vous, sur la polémique justement dans les jeux vidéo. Mmh. Et on m'avait parlé de ce bouquin-là. Et donc j'en suis à la moitié et je trouve ça super intéressant. Donc la première partie est découpée. Donc on est sur les jeux de torture. Donc justement, il parle de Manhunt, il parle de Mad World, il parle de ces jeux où il y a vraiment des séances de torture comme dans GTA V, etc. Et donc on revient vraiment sur des événements, donc sur les fameuses polémiques et par rapport aux acteurs de ces polémiques-là, donc j'ai vraiment soit les politiciens qui ont utilisé ces systèmes-là pour mettre en avant les tueries dans différentes écoles, etc. Et ensuite, il y a une partie qui m'a beaucoup intéressé, justement, où on revient sur les fameuses analyses de médecins, de personnes qui vont interroger 1000 personnes et qui vont les faire jouer pendant des heures et sortir des conclusions sur le fait que des jeux vidéo rendent violents, etc. Et ben, il y a une grosse partie là-dessus où on voit que c'est effectivement généralement des analyses qui sont demandées soit par des partis politiques et donc qui sont clairement dirigées et donc qui sont utilisées dans les journaux télévisés alors que c'est pas du tout prouvé, que c'est des choses complètement stupides. Et donc, il y a plein de contreparties aussi sur les parties qui défendent le jeu vidéo. Donc on est vraiment dans l'analyse un petit peu de ces jeux-là qui ont marqué par des polémiques et en même temps par tout ce qui entoure ces polémiques-là. Pourquoi on les a mis en place, qui les a mis en place et est-ce que c'est bon ou pas de suivre les fameuses analyses scientifiques sur des domaines comme celui-là. Donc je vais pas en dire plus parce que je l'ai pas complètement terminé, mais je trouve qu'en termes d'écriture c'est pas pédant dans le sens où c'est pas avec des mots hyper compliqués, on essaye pas de faire genre justement on te fait une analyse spécifique de ces trucs-là, mais on sent vraiment qu'il y a un gamer derrière et qu'il y a une volonté d'expliquer un petit peu ce qui entoure toutes ces polémiques autour du jeu vidéo et une volonté de faire un petit peu évoluer les mentalités sur comment on perçoit même nous ces polémiques là. Des fois on peut se limiter à dire ouais ils sont cons, le jeu vidéo ça a jamais tué personne, etc. Mais il y a quand même des fois des un peu comme le cas tout à l'heure où j'avais dit sur Saints Row avec les parents qui font pas attention, etc. Donc ça te permet d'avoir un peu plus de recul sur la polémique et sur la violence qui entoure ces jeux vidéo. Donc moi je conseille, je sais plus si c'est déjà sorti, mais je crois que oui. Moi je l'ai reçu lundi, donc je l'ai commencé hier, parce qu'on enregistre le mercredi. Et donc j'ai vraiment dévoré les 150 premières pages assez rapidement, et je pense que je vais vraiment kiffer tout le reste. Donc voilà, je vous rappelle, c'est l'histoire des jeux vidéo polémiques, volume 2, jeux de torture et jeux d'horreur, par Benjamin Berger. Eh bien écoutez messieurs, on s'approche doucement de la conclusion et donc je vais encore une fois te remercier toi auditeur qui s'est amusé avec nous, enfin j'espère que tu t'es amusé avec nous donc sur ce premier podcast du jeu vidéal, donc un podcast qui va être au minimum présent une fois par mois. Il y aura peut-être des pastilles, on ne se promet rien mais on ne s'oblige rien, ça c'est important. Donc on aura soit à chaque fois trois personnes sûres, donc moi, Rhône et Matt, donc c'est très mal poli de dire moi d'abord, mais bon, je suis l'animateur, je fais ce que je veux. Yep, c'est mal poli, c'est comme ça. Ah mais c'est comme ça, moi je suis le patron, je fais ce que je veux. Donc Jarel nous a accompagnés pour cette première, je te remercie énormément camarade, voilà. C'est un des premiers enregistrements que je fais avec toi. et j'ai beaucoup apprécié. De même. Voilà, on sent que tu es posé, on sent que tu vois tes analyses et tes interventions étaient particulièrement pertinentes. Vous voyez, comme je fais de la lèche. non, franchement, merci beaucoup. J'espère alors que tu as passé un agréable moment. Oui. T'as vu, Matt, hein, toi et moi, rien par contre. Attends, c'est la suite. C'est la suite. C'est la suite. Oh là là, mais écoutez il les. Il veut ceux-là. Que je lui prête Dead or Alive, mais Extreme Isolation. C'est exactement ça, quoi. Voilà. Matt, il veut que tu lui prêtes une Xbox pour jouer à Dead or Alive avec des strings et tout. Non, vraiment, Jarel, je te remercie. Et tout ça pour expliquer que, donc, on est trois places prises à chaque fois, donc on sera tous les trois. Et il y aura une place tournante sur la quatrième personne qui sera présente avec nous à chaque fois pour interagir justement au niveau des débats, au niveau des sujets. Donc on trouvait ça plutôt intéressant. Donc il y a peut-être même toi derrière là, derrière tes écouteurs qui pourrait peut-être participer. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je laisserai des sujets avant les enregistrements. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur Twitter, sur Facebook ou par mail, etc. Donc peut-être que si vous avez envie de participer, c'est possible. Donc rien n'est impossible, comme on dit, hein, tout est réalisable, comme dirait une fameuse publicité avec un barbu. En tout cas, voilà, merci Jarel, j'espère que tu as passé un bon moment. Ben oui, très bien, et je vous remercie tous. Bah écoute, c'est génial, tout le monde se remercie. Bah ouais. On s'embrasse, on se fait la bise, on se fait les sourires, etc. Matt, alors on te retrouve donc sur ton podcast humoristique, je te laisse rappeler le nom. Tout ça pour ça, hâte tout ça pour ça, lol. Et je peux et vous dire que ça correspond bien au nom. Oui, et c'est en à peu près deux minutes, voilà, une petite histoire qui vous fera pas rire en fait. Et c'est ça qui est beau. N'hésitez pas, voilà. C'est bien vendu. Hein. Mais il est honnête. Ça décrit bien. Voilà. Je vous conseille vraiment d'aller écouter parce que donc c'est Matt qui raconte une histoire, donc plus ou moins longue, comme il dit à peu près deux minutes. Donc c'est quand même un art de raconter une histoire, ça il faut quand même le dire. Et donc à chaque fois la conclusion est plutôt bizarre. La chute est terrible. Voilà, la chute est assez mortelle. En tout cas, merci camarade d'avoir participé à cette première du jeu vidéo. Et donc, on se retrouvera bien sûr dans une prochaine émission. Rhône, yes. Xboxygène. Ah ouais. Hein, notre partenaire Xboxygène. Donc, tu es rédacteur, tu es éditorialiste, tu es critique, tu es passe la serpillière aussi des fois le week-end. Ouais, patriarche, dame pipi, je fais tout ici. Mais tu as aussi animé le premier podcast officiel d'Xboxygène et donc qui s'appelle Le bruit de fond qui a été diffusé il y a peu de temps. Alors, il n'y a pas encore eu des millions d'auditeurs à écouter. Je suis un peu déçu. Je pensais qu'on allait faire les 2 millions au premier. Et non. Mais en tout cas, je voudrais remercier les auditeurs qui nous ont fait confiance pour passer un petit peu plus d'une heure avec nous sur le bruit de fond, qui nous ont laissé quelques commentaires sympathiques. C'est encourageant. Et là, avec le jeu vidéo, on est dans cette logique qu'on va partager ça avec parce qu'on est des geeks, vous proposer du contenu audio, vous habituer à nous entendre, à faire un petit peu évoluer tout ça ensemble. Voilà, on va s'amuser, on va se faire une petite communauté bien sympa, on va parler de tout, on est décontracté, on s'amuse ensemble. Ça va être très très bien cette année. Voilà, donc moi, encore une fois, je vais vous dire merci, je vais vous faire des bisous, je vais vous inviter à laisser 5 étoiles sur à peu près tous les endroits où vous pouvez nous trouver, iTunes, sur, je sais pas, peut-être, je vais le mettre sur SoundCloud, peut-être que je vais le mettre sur YouTube, peut-être que je vais le mettre partout, et peut-être que je vais le mettre dans un minimum d'endroits, je ne sais pas encore, mais je vais faire le maximum pour le poster dans le plus d'endroits possible. N'hésitez pas à partager, c'est toujours sympathique de voir les gens partager. D'ailleurs, je vais remercier aussi les gens qui ont soutenu un petit peu la mise en place rapide de ce podcast, parce que c'était pas prévu que ça arrive comme ça, mais on s'est lancé, on s'est dit pourquoi pas relancer un podcast directement. J'avais envie de causer, on avait envie de causer, et donc on est revenu là au mois d'octobre. On reviendra donc, comme je l'ai dit, une fois minimum par mois, en tout cas pour ce podcast là, le podcast Le Jeu Vidéal. Donc on aura donc un dossier et plein de choses après au niveau de la deuxième partie. On est là pour parler de jeux vidéo dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur. Donc laissez un max de commentaires, des bons ou des mauvais, hein, c'est normal, là c'est une reprise, on est sur un nouveau système entre guillemets, donc on est encore en rôle d'âge. Donc on espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie, et donc comme je l'ai dit, merci aux personnes qui nous ont aidés à mettre ça en place. Je vous fais des bisous et on se donne rendez-vous à très bientôt les amis. Allez, ciao générique. La bibi. Ciao.